Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Quebec. MacQuebec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuebec.com. Bienvenue au podcast Mac Québec, édition du 3 décembre 2013. Cette semaine, on reçoit Stéphane Vaillancourt qui vient nous parler de la caméra des plus récents iPhone. On a une chronique de notre collaborateur qui revient après une longue absence, François-Dominique Laramé. Une chronique de nos amis du CacaoCast et bien sûr, toutes vos nouvelles sur le monde Apple. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Bonjour. Bienvenue à tout le monde au podcast Mac Québec. Oui, on est un petit peu en retard, c'est dans nos habitudes. C'est pas très grave. Le podcast Mac Québec est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site web macquebec.com sur l'univers Apple, évidemment. Au cours des deux prochaines heures, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons aux questions à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Sans plus tarder, je vous présente mes co-animateurs cette semaine. Jean-Michel, dit le bronzé, a.k.a. Goofy, a.k.a. Mickey Mouse. On revient de vacances, Jean-Michel? On revient de Floride, oui. Excellent. Mm-hmm. Les oranges étaient bonnes? Oui, on va dire. J'ai pas goûté. Là, non, t'es là-bas. Je pense pas que c'était la saison des oranges non plus. Des oranges panées aux États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. dans du Crisco. Donc, tu reviens de là-bas. T'es allé faire le plein d'expériences chez Target, j'imagine. J'ai pas été chez Target. C'est vrai? Mais oui, il y a pas... Voyons. C'est des vacances de repos. Là. On en a ici maintenant, fait que c'est plus exotique. C'est plus la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même expérience. C'est la version canadienne. Il y a une petite dévaluation là, au niveau de la frontière qui se fait. Vous avez reconnu la voix de très connu technophile, a.k.a. Stéphane Vaillancourt, ou le contraire, en fait. C'est Stéphane Vaillancourt, a.k.a. le technophile. Cette semaine, on a appris, Stéphane, que tu étais dans les 5 plus influenceurs au niveau technologique par le Huffington Post. Je ne sais pas si c'est les 5 plus influenceurs. Moi, j'ai compris que c'était le concours visait à nommer la personne à suivre en 2014 sur les réseaux sociaux. Ah, okay. Je ne sais pas c'est quoi l'angle derrière ça, là, mais je trouve ça flatteur d'avoir été choisi. Là, est-ce que tu as vu ton nombre de lecteurs sur Twitter augmenter en flèche depuis? Je n'ai pas regardé ces derniers jours, honnêtement, mon nombre d'abonnés. Là, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais de vrais. Ils ne checkent pas les stats. Donc, tu es venu nous parler de la qualité de l'appareil photo des derniers iPhone, autant iPhone 5C et 5S que tu as pu tester. Oui. Puis, juste pour venir nous écœurer, tu as ramené toutes tes gamiques des autres fabricants avec ton téléphone qui se promène tout seul sur la table. Il montrait ça avant le show. Il a déposé son... Le Nokia Lumia 1020. Qui essayait de se sauver. On ne sait pas trop pourquoi. La vitre est tellement lisse qu'il glisse sur la table. C'est... Excellent. Donc, on va parler de ça un petit peu plus tard. Mais en attendant, sachez que les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions et problèmes sur leurs différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter, en utilisant le hashtag PodMQ, sur la plateforme Mac Québec Entraide ou au www.macquebec-entraide.com, en nous écrivant au podcast@macquebec.com ou par téléphone, mais pas aujourd'hui. Non, on est à sec au niveau monétaire. Voilà. Donc, la secrétaire est en vacances. Ce qui fait un bon segue vers... en fait, si vous êtes en train d'écouter le podcast directement sur le site de Mac Québec, sur la page macquebec.com/en-direct, vous allez avoir un petit bouton donation qui est là. Et si vous faites une donation, on va pouvoir remplir avec notre compte Voice over IP puis prendre des téléphones. Mais je vous laisse quand même le numéro de téléphone si vous voulez le noter. On a une boîte vocale. Donc, message, voilà. La boîte vocale fonctionne. Du moins, j'espère. Donc, c'est au 1-877-777. 1-877-561-2357. Le 1-877-561-2357. Et parmi les gens qui nous poseront des questions live aujourd'hui au podcast, il y aura un prix spécial, soit un Blu-ray de Jobs. Oh. Et non pas un Blue Jobs. Faut faire très attention. Un Blue Jobs de Ray. Ouais, ça. Donc, si les gens veulent participer, peuvent commencer à nous envoyer des questions sur Twitter en utilisant le hashtag PodMQ dès maintenant. En plus, on a déjà quelques questions là, excellent, à préparer. Parfait. On aimerait remercier nos commanditaires. Donc, le podcast Mac Québec est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de ClickPom, qui fait don de moi-même assez souvent et de ses locaux. De la coop UQAM, qui vient tout juste de recevoir les iPads mini Retina. Donc, vous pouvez aller les voir en boutique et les essayer. ReptileTech, qu'on remercie grandement et qui est en campagne de financement pour Centraide. Donc, vous pouvez aller faire un like sur la page de Centraide et ReptileTech va remettre jusqu'à 1$ par like, jusqu'à concurrence de 5000$ à ReptileTech, à Centraide, pardon. Et il y a des gens qui ont demandé sur Internet pourquoi pas juste donner 5000$. Bien, je vous ferai remarquer que le like, il n'est pas pour ReptileTech, puis augmenter, c'est pas comme une espèce de publicité cheap. Ils veulent donner les sous, mais ils veulent aussi que vous preniez connaissance de Centraide et que vous soyez à l'écoute de ce que Centraide peut vous dire. Donc, c'est ouvrir un canal de communication. Mm-hmm. Si Centraide a 5000 nouvelles personnes qui les suivent, ça va être très bon pour eux autres et on leur souhaite. On remercie aussi iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels. J'ai quelques nouvelles de iRepair. La semaine passée, je me suis promené sur Sainte-Catherine et pour la première fois, je suis allé à leurs nouveaux locaux au 1184 Sainte-Catherine-Ouest. Et c'est des très beaux locaux, très illuminés. Leurs premiers locaux étaient aussi très, très, très lumineux. Mais les gars ont plein de produits très, très spéciaux au niveau des coques de protection, des trucs comme ça. Ils font de la modification, du modding de téléphone. Et ils ont beaucoup d'artistes, de gens connus, en fait, qui vont les voir. Entre autres, les gens de l'Impact de Montréal qui vont faire modifier leur téléphone pour avoir les couleurs de l'Impact. Non, c'est cool. Et là, ils viennent de recevoir, en fait, des écrans de la bonne couleur. Fait qu'ils vont les appeler pour leur dire de venir. Et ils m'ont fait faire le tour, c'est-à-dire que... ils réparent les téléphones, vont réparer les problèmes de connecteurs de casse d'écoute. Ils vont réparer les appareils photos, souvent les écrans, évidemment, c'est ce qui casse assez souvent. Mais au cours des années, ils ont développé une certaine expertise et là, ils sont rendus, en fait, très, très, très poussés. Ils font deux trucs vraiment très intéressants. D'abord, ils ont un bain sonique. OK? Donc, un bain sonique, c'est un bain dans lequel on va mettre du liquide et le liquide va secouer à cause de pulsations soniques. Mm-hmm. Et c'est fait pour nettoyer les produits électroniques. Donc, c'est de l'alcool à friction qu'on met là-dedans. Et ils sont capables, en fait, ils sont capables de sauver à peu près n'importe quoi qui est tombé dans l'eau. Donc, okay, si vous avez un produit qui est tombé dans l'eau, vous le ramenez. Et à ce moment-là, ils vont essayer de le nettoyer. Si c'est de l'eau, vous pouvez simplement le laisser sécher. On a donné quelques trucs au courant des émissions, mais si c'est du café, votre problématique, c'est qu'il y a du sucre qui vient de rentrer. De la liqueur. C'est terrible, ou de l'alcool. Il y a des sucres qui viennent de rentrer dans votre appareil, et à ce moment-là, il va y avoir de la corrosion qui va se faire. Donc, même si votre appareil ne semble rien avoir à ce moment-là, c'est comme si on y avait fait le coup de poing à 5... À 5 pulsions là, de Kill Bill, mais c'est comme quand tu vas avoir fait 5 pas que ça va te lâcher. Donc, eux sont capables de faire le nettoyage. Et si, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que quand il y a du liquide, il y a un court-circuit qui est fait, on n'a pas fermé l'ordinateur assez rapidement, bien, ils sont maintenant équipés d'un microscope et des petites pincettes, puis tout un système de soudure, et ils sont capables directement d'aller faire des réparations sur les motherboards. Donc, ils sont très avancés au niveau de l'électronique, puis c'était vraiment impressionnant. Et souvent, en fait, bien, une carte un mobo d'un ordinateur Apple, c'est à peu près la moitié du prix de l'appareil. Ça vaut à peu près 700 $. Donc, sur un MacBook Pro à 4000 $, ça vaut peut-être la peine de le changer. Mais sur un ordinateur que tu as payé 1200, un peu moins. Donc, vous pouvez aller les voir. Et à ce moment-là, eux vont essayer de regarder pour faire... Pour faire la réparation. Et finalement, notre tout nouveau commanditaire pour le podcast et pour le site de Mac Québec, c'est l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, qui est un centre de formation où les gens du milieu du cinéma, de la télévision, des communications peuvent recevoir des formations de perfectionnement données par des professionnels du milieu. Entre autres, il y a un cours de Final Cut, si je ne me trompe pas, qui est donné par Claude Guillemette, et un cours de... colorisation qui est donnée par Mathieu Marano du Front créatif de Montréal. Et moi, je suis allé en suivre un il y a quelques temps, un cours sur les MDM, les Mobile Device Management, puis le Apple Configurator, qui est un outil qui permet de configurer les iPhones dans une entreprise. Puis c'était très intéressant. On peut faire pas mal de choses avec ça, là, les barrer un peu plus au niveau des politiques, des comptes e-mail, tout ça. Donc, voilà, ça fait le tour des commanditaires. On vous revient dans quelques secondes. Mac Québec, le podcast. Ça fut bref, mais bon. on a des nouvelles, en fait, les petites nouvelles au niveau du site web de Mac Québec. Donc, je viens de vous parler de l'INIS, qui est un nouveau commanditaire. Sinon, Jean-Michel... qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le site web? Bon, on a le concours du Bon Noël de Mac-Québec. C'est la deuxième année qu'on organise ce concours-là. Et c'est pas du Bon Noël. C'est les Bon Noël. C'est le père de bas. Donc, c'est deux. Le concours père de Bon Noël. C'est ça. On a deux Bon Noël d'une valeur de 350 $ à peu près chacun. Qui contiennent, entre autres... les deux sont différents. Il y en a un, il y a un Apple TV dedans. On a une licence d'Office 2013, on a... 2011, ouais. On a 100 $ en carte cadeau chez iRepair Montréal, 100 $ en carte cadeau à la Coop UQAM. On a aussi le support iPad, iPhone. Et non pas un iPhone, il ne faudrait pas se tromper. Là. L'année prochaine, iPhone. Peut-être. On a une imprimante multifonction Brother aussi. À Wi-Fi. Wi-Fi, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait pas mal le tour, mais l'imprimante est avec le Office, tu sais, c'est concept, parce que tu peux t'imprimer ton stock. Puis le Apple TV vient avec le 100 $ à la coop, fait que tu peux peut-être aller t'acheter un iPad Retina là-bas, puis l'avoir un peu moins cher et diffuser sur... C'est déjà un bon rabais pour quelque chose qui vient jamais à rabais. Là. Exactement. Voilà. Messieurs, c'est le moment Kudos et Coup de 12 qui est un peu cheapement inspiré de l'ancien podcast L'Analyse des Geeks où eux faisaient les Epic Win, Epic Fail. Donc nous, pour se permettre de pouvoir sortir un petit peu de l'univers Apple, en restant dans la technologie ou en fait dans la sphère geek, on se permet de dire qu'est-ce qui, dans les dernières semaines, nous a énervé et nous a fait triper. Donc, Jean-Michel, tu avais à nous parler... Je reviens de Floride, là, j'étais à Orlando, j'étais à Disney World, là, bien entendu, là, c'est probablement le classique là, pour les gens qui vont à Orlando. Et puis depuis à peu près le mois de septembre, il y a un nouveau système là, en branle là-bas, ça s'appelle My Magic Plus. Et puis c'est un système, tous les visiteurs là, qui restent dans un hôtel opéré par Disney ont un bracelet avec une puce RFID là-dedans. Et puis cette puce-là, ça sert de billet d'accès pour les parcs, de clés pour la chambre d'hôtel, de carte de crédit. Notre carte de crédit est reliée à ça. On peut utiliser des coupons repas si on les a dans notre forfait. Finalement, on a juste besoin du bracelet là, pendant toute la semaine, puis on a accès à tout ce qu'on a payé là, pour... Ça sert à retrouver les enfants s'ils se perdent aussi. J'imagine qu'il doit avoir une utilité pour ça. Là, parce qu'il y a des lecteurs à long range aussi. Ils peuvent savoir un peu où c'est qu'on est dans le parc. Là. On ne sait pas vraiment comment s'utiliser. Ouais, ben dans le fond, là, mais... s'ils ont ça, ils vont pouvoir étudier justement le flow des gens. C'est là, ça. Il y a eu un investissement de plusieurs millions là, pour mettre ça au point, là, mais c'est vraiment, vraiment réussi. Il y a encore quelques petits bugs à corriger. Là, puis ça s'intègre à une application iPhone qui est sortie aussi. Et puis, ça permet de réserver finalement les restaurants, l'heure à laquelle on va faire certaines attractions, réserver des billets, voir l'état de notre dossier, nous aussi. Ben, c'est vraiment, vraiment intéressant. Wow. Puis il y a le Wi-Fi maintenant là, sur l'ensemble là, du site de Disney. C'est pas n'importe quoi. Là. C'est la grosseur de la ville d'Ottawa. Là, ça. Quand même. Même plus gros. Fait que tu t'es amusé là-bas? T'as-tu fait des nouvelles rides? Est-ce que t'as vu, vu les bonhommes de Star Wars? C'est pas... Il y a une attraction Star Wars, mais je sais qu'il y a un festival pendant l'année. Là, c'est les Star Wars Weekend, là, c'est au printemps. Là, ça, okay. C'est pas, ça leur a pas pris de temps à intégrer leur nouvelle licence. Ben, Star Wars, ça fait longtemps là, qu'il y a une attraction à Hollywood Studios, le parc Hollywood Studios. OK. Mais je veux dire, dans le giron de Walt Disney, là, quand ils ont acheté la licence, les personnages se promènent rapidement. Oui, plus, ça leur a pas vraiment pris de temps. Il y a plus de matériel dérivé de Star Wars dans les boutiques là, que je trouve là, depuis justement l'acquisition. Est-ce qu'ils gardent une cloison où il y a des poupées Mickey Mouse Jedi? Ça fait longtemps qu'il y en a. Ah, OK. Ah, ouais, ouais. Okay. Je ne savais pas. Fait qu'ils ont corrompu leur monde à eux autres. Mais c'est pas juste ça. T'as la boutique là, qui est après l'attraction Star Wars. Il y a des choses vraiment juste Star Wars, mais c'est sûr qu'il y a des clins d'œil. Le crossover est fait depuis longtemps. C'est fait depuis longtemps. Le deal devait venir avec cette attraction-là, justement pas avec l'achat là, du studio. Mini Amidala, puis... Sinon, est-ce que toi, t'as préparé des coups d'os ou coups de dos? C'était quand même un gars qui est très, très posé. T'es pas reconnu pour... être en tabarouette après des choses, mais ça se peut qu'il y ait des affaires qui te mettent en maudit. Ouais, ben honnêtement, j'ai pas de coup de douze parce que j'ai pas. T'es pas comme ça dans la vie tes amis. Non, mais c'est que j'avais oublié que vous aviez ce segment-là. J'en ai pas préparé, mais j'ai un coup d'os. Ok. Qui est mon tout nouvel appareil photo qui vient d'arriver aujourd'hui pour ceux qui voient en vidéo. C'est une primeur. Ça fait quelques heures à peine que je l'ai et donc qui est disponible même chez Best Buy et compagnie, Future Shop, parce qu'il était même censé arriver en magasin, selon la date sur le site, vendredi le 6 décembre. OK. Puis je l'ai reçu aujourd'hui, donc il doit déjà en avoir en stock là, à l'entrepôt. Et c'est le Sony A7 ou Alpha 7, qui est un appareil hybride, donc il n'y a pas de miroir comme les réflexes. Okay. Le boîtier est plus petit, puis c'est un 35 mm, un plein capteur, donc c'est aussi performant qu'un... Canon 5D Mark III ou un Nikon D4, c'est la même, à peu près la même technologie, là, si on veut, qu'il y a là-dedans. C'est la même technologie, mais est-ce qu'ils ont été obligés de sacrifier quelque chose ou le Mark III, c'est un appareil qui est en vente depuis quand même peut-être 3 ans, je dirais? Le Mark III, ça fait un an et demi. Ah, OK. Mais oui, évidemment, c'est pas aussi performant, je te dirais, au niveau de la vitesse de focus, là, de mise au point. La rafale, t'as pas autant de photos, t'as peut-être 5 photos en rafale, puis le Mark III peut peut-être monter à 10 ou 11, là, je dis un chiffre approximatif, évidemment. Okay. Mm-hmm. Mais pour ceux qui... L'avantage d'avoir un plein capteur, c'est que ça permet d'avoir plus de lumière. Tu as besoin d'ouvrir moins ton objectif un peu pour avoir l'équivalent là, sur un appareil photo ordinaire, un réflexe, disons, pour les amateurs ou les enthousiastes. Là. OK. C'est ça. Ils sortent aussi, évidemment, quelques objectifs avec ça. Il va en avoir, je crois, 5 d'ici février. Il y en a déjà un dans le kit de base là, du A7. Et puis, ils vont en sortir d'autres, là, des lentilles, des objectifs Carl Zeiss et tout ça. Donc, il faut que tu refasses ta bibliothèque d'objectifs. La magie de tout ça, c'est que Sony a pensé à presque tout. Okay. C'est que les objectifs qu'il y avait avec la série NEX, les NEX, oui, sont compatibles avec les nouveaux boîtiers qui sont plein capteur. Et le boîtier va automatiquement rogner l'image dans le viseur, dans l'écran et au moment de prendre la photo. Donc, ça réduit la résolution. À la base, c'est un 24 mégapixels, mais il va baisser, je pense, à 15 mégapixels, okay, ce qui est quand même encore respectable. Et comme ça, il n'y aura pas une espèce de contour noir assombri là, qu'on appelle du vignettage. Donc, mes objectifs que j'ai achetés au mois d'août, qui ne sont pas vieux, avant l'annonce de cet appareil-là, fonctionnent. J'ai testé un objectif aujourd'hui, ça fonctionne numéro un. Et les batteries qu'il y a à l'intérieur sont aussi compatibles. Donc, mon X6 que j'ai en ce moment va devenir tout simplement mon boîtier backup ou mon deuxième boîtier pour traîner. Et me voilà converti à Sony. Bon, d'accord. Qui commence à reprendre des... En fait, ils ont toujours fait des bons appareils. Oui, mais ils ont eu un creux à un moment donné globalement, là, Sony comme entreprise au niveau des produits avait, a connu un creux. Puis je dirais que depuis peut-être un an et demi, deux ans, là, ça remonte. Puis ils sont en train de redevenir dans le peloton de tête. Un fer de lance. Ouais, ouais. Excellent. Pour ma part, au niveau des kudos et kudos, le kudos, je vais le remettre à une petite compagnie que ma mère a trouvée, en fait, sur la rive sud de Montréal. Ma mère est tombée sur des vieux 16 mm à la maison et elle voulait en faire la conversion. Elle a commencé à faire sa recherche sur Google et tout ça. Elle aime pas beaucoup m'appeler parce que ma patience à expliquer les choses informatiques à ma mère est plutôt courte. Je m'en excuse, maman. Et elle a trouvé cette compagnie-là qui s'appelle Film 8 mm, 8mm.com. C'est un gars dans sa cave qui fait ça depuis je ne sais pas combien de temps et qui a à peu près tout pour convertir en numérique. Tu veux du 8 mm, du 16 mm, du laserdisc. Okay. Tu sais, avant qu'ils sortent les DVD, oh, les laserdisc. Comme dans la borne d'arcade Dragon's Lair, là, il y avait un laserdisc. Exactement. Il convertit tout. Donc, on est allé là-bas. Le gars, il sait ce qu'il fait. C'est pas comme souvent quand on va rencontrer des gens qui vont faire de la transformation 8 mm. Ou en fait, de vieilles bobines, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diffuser sur le mur. Et avec une caméra qu'ils vont mettre pas loin, ils vont filmer. Fait que là, tu as une dégradation de l'image. Mm-hmm. Tu as un parallaxe qui se fait, évidemment, parce que ta caméra n'est pas devant. Donc, lui, il y a les vraies machines, des télécinés. Okay. Il passe les bobines là-dedans, puis il te les scan. C'est bizarre, c'est 18 images secondes, des trucs comme ça. Fait que le gars, c'est une vraie encyclopédie. Sa maison, c'est pratiquement un musée. Puis, on est allé le rencontrer. Il connaît bien son affaire. C'était très agréable de parler avec lui. Il y a des étiquettes Mac un peu partout, mais il y a juste un vieux iMac dans le fond. Il travaille majoritairement en PC, mais on le pardonne. Au niveau de mon coup de 12, bon, je vais me lancer. Au niveau de mon coup de 12, là, ça va à autant tout le monde en parle que les vedettes du web, que tout ce qui s'est passé depuis mercredi passé où on a annoncé que que la gang de trouble.voir.ca, parce que c'était supposé être la vraie raison pour laquelle on invitait trois des gens impliqués dans ce projet-là, à Tout le monde en parle. Donc, c'était supposé être ça, mais évidemment, avec les frasques de Gabrois, qui est un loose cannon du web, on va le dire, donc la lettre qu'il a faite à Marie-Lou Wolfe, le truc qu'il a fait probablement à Michel Blanc, tout ça, ben c'est sûr qu'on a posé des questions, puis on lui a fait un peu un procès public. T'sais. Bon, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a expliqué que la lettre à Marie-Lou Wolfe était restée 6 heures sur le site web, qu'il l'avait enlevée après avoir reçu une mise en demeure et qu'il s'était excusé. Il le refaisait en public. Puis je pense qu'il allait là avec l'esprit qu'il allait se faire varger dessus. Oui. Je pense qu'il savait. Moi, j'ai entendu une entrevue après coup là, par un de ses amis, là, je ne sais pas trop, puis il a dit qu'il y avait 50 minutes d'enregistrer là, où ils se faisaient rentrer dedans. Ils en ont passé 25 pendant 50 minutes, à peu près, puis ils en ont passé 25. Et je le suis, je l'écoute, je fais partie. Écoute, il n'y a pas de notion de... Si tu fais un like ou si tu suis la page de Gabrois, tu es un fan, tu es étiqueté comme ça. Mais on peut établir, en fait, deux catégories de personnes. Des gens qui sont intrigués, qui le regardent de loin, puis qui font comme... c'est dur. Tu le regardes, en fait, comme tu regardes une bataille au hockey ou comme tu regardes... Il y a une série anglaise qui s'appelle Black Mirror. Et le premier épisode de la série... C'est on enlève la princesse Diana, puis on demande au premier ministre, en échange, s'il veut la récupérer, de fourrer un cochon en heure de pleine écoute à 16 heures. OK. T'écouteras la série. Ce genre de malaise, là, finalement. Ouais, expliquer la série comme ça, c'est pas cool, mais c'est Twin Peaks, mais pour les notions, les problèmes technologiques. Bref, c'est un peu ce malaise-là. Donc, tout le monde l'écoute. Mais ce qu'on appelle les fans de Gabrois, là, les gens que quand tu dis quelque chose contre Gabrois, ils viennent à coups de faute d'orthographe te rentrer dedans sur Facebook. ça fait mal. Dire que t'es un loser puis tu devrais mourir puis tout ça. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est un peu le public cible de Gabrois. C'est eux qui sont à la recherche. Bon, nous autres, on écoutait les Jackass quand on était plus jeunes. À un moment donné, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas... C'était peut-être pas l'idéal de faire des niaiseries comme Stevie O, puis Ryan Dunn, puis les autres. Mais, donc, on l'écoute, on le regarde de loin. Et là, ils l'ont invité à l'émission. Et ils ont fait un peu la même chose qu'ils reprochaient. C'est-à-dire, ils donnaient du temps d'antenne, mm-hmm. ils ont feedé le troll. Mm-hmm. Même s'ils disaient, ben tu devrais pas être là, blablabla. Écoute, quand autant de monde se braque vers quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Là. Il y a un malaise en quelque part, puis il y a quelque chose. Et il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de marde, mais ça me paraît pas être un imbécile. C'est un gars qui est capable qui est charismatique, manifestement, qui est capable d'attirer les foules. Il y a toute une période où est-ce qu'il a fait une niaiserie, où est-ce qu'il voulait plus de dinosaures à la télévision. Puis ils ont réussi à avoir, je sais pas combien de personnes, à se présenter un après-midi, puis à les manifester devant Musique Plus. Puis Gabrois, il était après une échelle, puis il avait l'air d'un révolutionnaire. C'était cool comme image. Tu sais, c'était... Bon... Puis, je me suis dit, bon, ben, tu sais, sur le plateau, il y avait des homosexuels, manifestement. Il y avait des mères qui avaient perdu leur enfant, puis tout ça. Puis, sur qui on vargeait? Le roux. C'est lui, on vargeait sur le roux. Fait que, je me disais, j'ai fait la blague, le roux, c'est encore celui qui est plus bas que tout. Tu sais, c'est bon. Mais, j'ai tout un malaise avec ça. Puis je me dis, ben si vous voulez pas en entendre parler de Gabrois, il y a beaucoup de monde qui ont dit c'est qui Gabrois pendant cette semaine-là, qui sont allés voir, ça a polarisé les gens sur mm-hmm. Internet. Ben l'émission s'appelle Tout le monde en parle et il y a beaucoup de monde dans le web qui en parle de Gabrois. Tu sais, on en entend. Ouais, mais là, ils l'ont comme décloisonné du web. Là, c'est là, ça. Il y a maintenant notoriété publique. Exactement. Là. Ils l'ont sorti de là, puis ben, je pense pas qu'il y ait du monde qui vont commencer à suivre Gabrois après l'entrevue qu'il y a eu. Tu sais, mm-hmm. ça serait étonnant. Par contre, le move pour Tout le monde en parle était intéressant. Ils ont tapé des scores d'auditoires, puis en fait, c'est tout le monde qui regarde pas Tout le monde en parle, qui regarde Walking Dead ou qui sont en train de regarder du Netflix cette soirée-là, puis qui s'en sac de Tout le monde en parle, qui, là, sont allés l'écouter. Puis il est tout allé chercher comme peut-être un nouvel auditoire par rapport mm-hmm. à ça. Mais bon. Fait que coup de dose à pas mal tout ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le son coupe, le son revient, le son coupe, le son revient. Oh! On va essayer de regarder ça. On s'excuse. Évidemment, avec le streaming qu'on fait et tout ça, il peut avoir des petits problèmes techniques. Et évidemment, la meilleure qualité qu'on peut avoir va être au niveau du podcast audio. Donc, je te laisse 2 minutes. On arrête-tu 2 minutes pour que tu fasses ça? Tu veux redémarrer le truc? Et entre-temps, vous avez une question Twitter. Oh, excellent. Moi, j'ai Sébastien Dupont. Je vais regarder ça. Sébastien Dupont du Louvre, OK. Ah, Patrick Ducharme, je ne l'ai pas. C'est encourageant de voir qu'il n'y a pas juste. Ça part en retard. Je vais redémarrer Wirecast. Pas de problème. On va perdre la diffusion. On va redémarrer. Oh. En fait, au niveau de l'audio, peut-être. Mm. C'est Jean-François qui s'en occupe. Okay. Mais au niveau de la vidéo, c'est envoyé direct sur... Ah, t'avais sauvegardé ton setup. Mm-hmm. Cool. Ça plante? C'est parce qu'il ne trouve plus le desktop presenter. C'est bien bizarre. Il l'a-tu? Ouais. On va recommencer le broadcast. Un, deux. Sommes-nous revenus en onde? Il va y avoir un petit délai, là. Oui, évidemment. On est jamais sur notre page. On va continuer. De toute façon, l'enregistrement continue. L'enregistrement continue, audio, oui. Parfait. Mm-hmm. Donc, voilà, c'était mon petit truc par rapport à ça. Puis, c'est ça. En fait, comme tu l'as dit si bien, on l'a décloisonné, on l'a sorti, on a annoncé c'était quoi Gabrois. Et, bon, il y a d'autres choses qui se sont écrites, entre autres par Madame Blanc, qui avait fait un billet où est-ce qu'elle disait en somme que les trolls pourraient plus se cacher, mais Gabrois n'était pas vraiment caché en mm-hmm. tant que tel. Ce que Gabrois, puis je pense que c'est un sujet à discussion, mais ce que Gabrois disait, c'est qu'il y avait un malaise par rapport au fait que Madame Blanc avait signé en fait la pétition des Jeannettes pour les femmes. C'est ça. En fait, comme tu l'as dit. J'ai du son qui oui, vient dans mon casque. C'est mon entendeur, c'est la confirmation qu'on est revenu en nom. Cool, ah, excellent. donc, c'est ça, elle avait signé la pétition des Jeannettes, ce qui n'est pas mal en somme, mais lui avait un malaise par rapport à dire que c'était une femme. Pas que c'était une femme actuellement, mais tu ne peux pas aller te battre contre la souffrance des femmes. C'est comme si mm-hmm. demain, je me disais, bon, ben je vais me peinturer en noir, puis je vais aller comme... fighter pour le Black Power ou en tout cas d'autres. Oh, ouais, je comprends. La cause des Noirs. Donc, ils trouvaient que c'était un peu malaisant. Puis, c'est un sujet qui est probablement à débat, mais probablement sur un niveau de civilité qui est peut-être plus élevé que ce qu'on voit oui. actuellement. Oh, ouais. Parce que d'un côté, faire des lettres comme celle qui a été faite à Marie-Lou Wolfe, c'est pas brillant, mais de l'autre côté... annoncer qu'on va sodomiser des gens à grands coups de gonne-michet, je pense pas non plus que ce soit un discours qui est intellectuellement très, très élevé. En effet. Bon, voilà. Donc, ça fait mon petit tour. Et je voulais aussi dire que j'ai reçu un petit peu plus tôt, c'est Jean-Michel qui me les a commandés, mes écouteurs Soul, Ludacris. Mm-hmm. Et c'est mon hommage, en fait, à la mort de Paul Walker, parce que Ludacris, il jouait dans Fast and Furious. On est encore évalué si c'est des vrais ou bien des faux. Oui, c'est ça. À cause du prix qu'ils ont payé. Mais... Ils sont 129$ sur le site web. On les a trouvés à 40 en quelque part. Est-ce que c'est des vrais, des pas vrais? C'est pas grave, c'est mon hommage à Paul Walker. Moi, ce que j'aimerais, dans le prochain Fast and Furious, puisqu'on est encore dans le segment pour les affaires. Donc, ce serait un coup d'os incroyable que l'univers de Need for Speed et de Fast and Furious merge ensemble et que Aaron Paul soit finalement le frère de Paul Walker qui vient dans la franchise pour le venger. Ça serait malade. Contre Jason Statham ou je ne sais pas quel autre qu'ils vont mettre dans le set. Est-ce que ça pourrait comme renouveler la franchise pour en faire 7 autres? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Mais je disais ça aussi pour plugger Need for Speed, là, qui est un film de char, mais présenté comme les premiers previews de Superman. C'est comme, ça a l'air super métaphysique, puis philosophique, puis je sais pas quoi. C'est un truc de char, tu sais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on revient après cette petite pause publicitaire. Le podcast Mac Québec se poursuit dans un moment. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. De retour en studio au podcast Mac Québec, dis-je. Et il y a quelques semaines, le iPhone, les deux nouveaux iPhones, iPhone 5C et 5S, sont sortis. Nous, ne consommant à peu près que des produits Apple, on trouvait que l'appareil photo était très bien, mais on est allé chercher le spécialiste de la photo au Québec. En termes de podcast, disons, là, dans la sphère podcast. En fait, on essaye de plugger les membres de RZO. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est ça qu'on fait. Il y a peut-être d'autres mondes qu'on aurait pu inviter, mais on a un spécialiste sous la main sous la bannière RZO. On l'a donc invité. Pourquoi pas faire de la convergence? Exactement. Hein? La belle convergence bien sale. Et en plus, ce qui se passe, c'est que tu es capable de nous donner un comparatif parce que tu consommes à peu près de toutes les plateformes. Tu les as devant toi. Tu es un photographe avec un vrai appareil photo, mais tu as une tablette Android. Ton téléphone est un Lumia 1520 ou 1020? 1020, mais disons, mon téléphone principal, c'est un iPhone 4S là, que je n'ai pas upgradé encore. Mais le 1020 me sert, chaque fois que je fais une sortie et que je pense que je vais faire de la photo, je vais pouvoir prendre des photos parce qu'il est très performant en faible luminosité. OK. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ça dans sa poche. C'est un de ses gros avantages. Oui. C'est quoi? C'est 18 mégapixels, là, je non, pense? Non, c'est 41. Ah, 41, ouais. Je savais que c'était un gros chiffre. C'est sur papier, parce qu'en réalité, les photos sont en 34 ou 38 mégapixels à cause de la stabilisation. Okay. Et encore là, généralement, si tu veux partager une photo ou quoi que ce soit, elle tombe à 5 mégapixels. Parce qu'il va aller chercher chaque bon pixel bien capturé, bien capté, et il va ramener ça à 5 mégapixels. Là. Selon toi, est-ce que c'était comme... Le Lumia, pour beaucoup, je pense, est l'appareil photo à battre sur un portable. C'est à peu près ce qui se faisait de mieux. Il y a ça, puis il n'y a pas un Moto X ou quelque chose comme ça qui est très, très bon, ou un LG? Il y avait le HTC One, qui a une technologie différente, qui est un 4 mégapixels, mais avec des grands photosites, des grands pixels. Okay. Donc, il y a beaucoup plus de lumière qui entre. Okay. Je l'ai testé quelques jours. Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de photos avec. Mais oui, ça, les photos sortaient quand même bien, mais on s'entend qu'à 4 mégapixels, on va pas aller s'imprimer un 8x10 avec ça, là. Ça risque de commencer à être... C'est de la photo web. Oui, c'est ça. Okay. Mais ça fait de la très belle photo web. Est-ce que tu avais eu l'occasion de tester l'appareil photo du 5? Non, mais en fait, je l'ai testé un petit peu avec le 5C parce que c'est le même. C'est la même chose, Donc, qui est quand même un bon appareil photo, là, on s'entend. C'est la faiblesse dans la plupart, là, la majorité des appareils photo de téléphone, c'est que le capteur est minuscule et donc, dès qu'il manque un peu de lumière, ça prend le flash, puis là, ben, ça blaste souvent la photo, puis on s'en sort pas. Donc, ce qu'ils ont fait à Apple, c'est un très, très bon move, d'augmenter la taille du capteur plutôt qu'augmenter le nombre de mégapixels. Ce qui servira à rien. Exactement. Là, donc, ils ont augmenté ça de 15 %, ce qui veut dire que tu as 15 % plus de performance en faible luminosité ou 15 % moins de bruit, si tu veux, là, de petits points, de toutes sortes de couleurs quand il n'y a pas assez de lumière. Okay. Donc, c'est un bon move, c'est une bonne idée. Pour comparer, là, si on veut tomber dans les chiffres, parce que j'ai fait un petit comparatif avec le Lumia 1020. Mais pour ceux qui aiment les chiffres, là, mais j'en lancerai pas trop comme ça. Là. Mais disons, taille du capteur. Donc, dans le iPhone 5S, on parle de 6,15 mm par 5,81. Ça, c'est la taille du capteur. Donc, vous voyez que c'est pas très gros, là, 6 mm par... Oui, c'est pas un centimètre. Et celui du Lumia est à 8,8 mm par 6,6 mm. Donc il est plus gros? Il est plus gros. OK. On appelle ça deux tiers de pouce. Donc, deux tiers de pouce carré en superficie, si tu veux. À la différence que... Ben, c'est ça, j'ai pas fait le calcul pour le 5S, là, mais ça donne 1 sur quelque chose. c'est pas très gros. Par contre, bon, les photosites sont plus gros, sont à 1,5 microns, qu'on appelle. OK. Puis ceux du Lumia, ils sont à 1,12. Donc, il y a moins de lumière qui rentre dedans. OK. Mais overall, il va aller mieux capter la lumière parce qu'il y a plus de points. Donc, il fait des calculs, puis il récupère l'image. Là. Il va aller la sauver. Ensuite de ça... Côté ouverture, donc le diaphragme, ce qui laisse rentrer la lumière dans l'objectif, ils sont tous les deux à ce qu'on appelle F2.2, oui. Le fameux petit F là, comme en italique. Il était 2.4 sur le 5. Il était 2.4. Ils l'ont amené à 2.2. Même sur le 4S, je crois, il était à 2.4. Le 5, le 5C. Et sur le 5S, il est à 2.2. Donc, et ensuite, côté focal, donc l'objectif, souvent, le nombre de millimètres qu'on voit là, pour l'équivalent de la distance et de l'angle de vision. Sur le 5S, on a 29,7 millimètres et sur le Nokia Lumia 1020, 27 millimètres, en équivalent 35 millimètres toujours. Okay. Donc, ça donne un bon angle de vision. On figure 35 mm, là, c'est ce qu'on voyait justement dans les appareils photo avant, là, avant de tomber à l'ère numérique. Là, tous les appareils photo étaient à 35 mm de champ de vision. Donc là, les téléphones nous en donnent un peu plus. Là, on ne se battra pas pour 1,4 mm. Ça revient à peu près au même, le côté angle de vision. Sinon, les photos prises avec le 5S, là, ça donne une très, très bonne qualité. La seule différence, moi, que j'ai vue, j'ai remarqué que le Lumia 1020 donnait un petit peu plus un effet de profondeur de champ, donc un flou en arrière-plan quand tu es près de ce que tu photographies, là, de ton sujet. Fait que tu peux réussir à avoir un petit peu plus de flou en arrière-plan, mais c'est probablement dû à la taille du capteur, justement, qui est plus gros, parce qu'ils ont la même ouverture qui sert aussi à jouer là-dessus là, en photo. Sinon, il faudrait qu'ils réussissent à descendre à f1.8 ou quelque chose comme ça pour vraiment offrir une bonne profondeur de champ. Ouais. Et même encore, ça dépend toujours de la taille du capteur, parce que tu pourrais avoir un capteur à f1.8, mais s'il est plus petit, mettons que celui du iPhone 5S, peut-être que le 5S va pouvoir aller chercher une plus petite profondeur de champ à f2.2. C'est vraiment... Il y a beaucoup de calculs à faire, là, mais c'est tout ça pour dire que ce soit des mégapixels, le F, la focale, n'importe quoi, c'est pas toujours... C'est une guerre de chiffres qu'ils font, mais il faut prendre tout ça dans son ensemble là, pour vraiment arriver à savoir si un est supérieur à l'autre. Et moi, je peux dire qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils ont chacun leur force et leur faiblesse. Donc, les images du Nokia 1020 sont un petit peu moins bien définies parce que les photosites sont plus petits. Okay. Donc, les images sont un petit peu plus sharp quand il y a de la bonne lumière, évidemment. Là. Sont plus nettes, plus claires sur le 5S. Par contre, bien, dès qu'il fait un peu plus sombre, bien, le Nokia va mieux s'en tirer. Fait que ça dépend ce que vous faites, ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Et puis, sinon, ce qu'il y avait aussi, parce que le 5S fait de la vidéo, et un des features intéressants, une caractéristique intéressante, c'est qu'il fait de la vidéo au ralenti, à 120 images secondes. Et ça, je l'ai testé. Oui. Et j'ai demandé à ma fille de sauter, de danser dans le salon. J'ai le même vidéo. Bon. J'ai demandé à ma fille, je dis, OK, saute. Elle saute, puis tu peux paramétrer le... Puis c'est vraiment le fun à regarder après, puis vraiment, elle trouvait ça impressionnant, puis moi aussi. Par contre, as-tu essayé de le faire jouer après sur un PC ou un Mac ou quelque chose? Faut que tu l'exportes d'une façon assez bizarre. Parce que quand sinon, tu fais l'importation normale, ça marche pas. C'est ça. Faut que tu l'envoies d'une façon... Faut que tu fasses comme un rendu. Quand tu l'enregistres, toute ta bande vidéo est enregistrée à 120 frames secondes. Mm-hmm. Et tant qu'il est sur ton téléphone, tu peux retourner dessus et lui dire où tu veux que le ralenti soit fait. C'est logiciel, le ralenti. Oui, exactement. Ouais, ben c'est ça, parce que moi, je l'ai tout simplement copié sur mon PC. Mm-hmm. Puis là, je me disais, il est où le ralenti? Il n'y en avait plus. Mm-hmm. Ben, j'ai dit, est-ce que c'est une gimmick ou quoi? Non, ben là, s'il y a un moyen, parce que je suis pas allé, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la recherche pour ça, mais s'il y a un moyen, justement, de l'exporter, tant mieux, là... Tu envoies le vidéo à quelqu'un et il dit « Ouais, quoi? Ouais, c'est ta fille, elle saute. Ta fille, elle saute trois fois. Non, mais elle est au ralenti. Ta fille, elle saute, ça dure deux secondes. Exactement. Puis, mais non, elle n'est pas ralenti. Mais sérieusement, quand on le regarde dans l'iPhone ou si on réussit à l'exporter comme il faut, c'est vraiment cool. Oui. Là, ça fait un super bel effet fluide de ralenti. Là, c'est vraiment beau. Fait que ça, c'est une force que le 5S a sur, mettons, le Nokia 1020 que j'ai pris pour comparer, parce qu'il n'y a pas d'effet de ralenti sur le 1020. Il y a de la vidéo 1080p, mais il n'y a pas d'effets spéciaux à ce niveau-là. Les autres différences, le mode panoramique du 5S est très bon, vraiment. Mais dans le Lumia, c'est PhotoSynth. C'est ça? Oui, mais non, mais j'ai pas été impressionné par l'image panoramique. Là. C'est une image panoramique, elle est correcte, mais sans plus. Là. Le 5S a une petite coche de plus, en faisant le panorama. L'autre chose, par exemple, que j'ai trouvé le fun sur le Nokia, mais c'est une application, c'est ce qu'ils appellent, je pense, c'est Refocus. Ils ont mis une application qui donne un peu l'effet de la caméra Litro, mm-hmm. que tu peux changer le point de... Le point de vision focale, tu peux changer. Donc, si tu as trois éléments, un derrière l'autre, tu peux choisir lequel est au focus. Par contre, comme c'est une rafale de photos qui prend, ça prend beaucoup de lumière pour que les photos soient prises très, très rapidement. Sinon, tu peux avoir un effet de bouger. Donc, les images ne sont pas exactement... Bon, il peut y avoir une fraction, un pixel ou deux, mais ça paraît, puis ça enlève un peu la magie. Tu sais, ça paraît qu'on regarde 3 ou 4 photos différentes okay. là, à ce moment-là. Est-ce que tu as essayé la rafale sur le 5S à 10 images secondes? Ben, je ne me suis pas rendu à 10 images, là, mais oui, j'ai remarqué parce que j'ai appuyé à un moment donné, j'ai fait des comparatifs de photos en tant que telles. Puis à un moment donné, j'ai laissé mon doigt, puis j'avais oublié qu'il y avait le mode rafale. Puis ça, il s'est pris 4 photos d'un coup, puis j'ai dit « Ah, ben c'est merveilleux, c'est une chose que justement le Lumia n'a pas. Okay. » Donc Avant que tu te lèves de ta chaise pour me battre avec ton micro, moi qui est néophyte et qui ne connais pas bien la photographie, il y a des flashs sur ces appareils-là. Mm-hmm. Moi, par expérience, quand tu mets le flash, ta photo est LED. Oui. Puis quand tu le mets pas et qu'il fait noir, ta photo est LED. Fait à quoi ça sert qu'ils mettent un LED sur le téléphone? Ça sert de lampe de poche. Oui, OK. Excellent. On a un beau raccourci maintenant. Oui, en plus. Exactement. C'est super génial. Ils ont fait une gamique aussi, Apple, de ce côté-là. Ils ont mis 2 flashs. Oui, pour changer la couleur, là, pour pas que ça soit justement trop blanc. Là. C'est ça, là, pour en fait faire une température plus chaude, là, disons. Ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une gamique? Est-ce que c'est rien qu'une lampe de poche? Un flash de ce type-là, qui n'est pas un flash externe sur un vrai appareil photo oui. qu'on peut diriger où on veut, c'est vraiment, vraiment en dernier recours pour justement dire si j'utilise pas le flash, j'ai pas de photo. OK. C'est vraiment dans ce temps-là qu'on se sert d'un flash comme ça, même sur un appareil photo compact, même sur un réflexe avec le petit pop-up flash. Dernier recours, ça peut être pour utiliser ce qu'on appelle du fill light. Donc, si on est à contre-jour puis on a besoin de lumière sur le visage, mais il faut s'éloigner du sujet à ce moment-là, quitte à l'avoir plus petit dans photo, parce que plus on est proche, plus le flash est fort, plus il va blaster justement, il va vraiment surexposer l'image, puis c'est là qu'on a l'air des cadavres, on a un visage blanc. Et ça va donner aussi des grosses ombres fortes en arrière-plan aussi, dépendamment comment on est placé. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un dernier recours, ces flashs-là. Idéalement, c'est pour ça que j'ai un petit faible, moi, pour l'appareil photo du Nokia, mais je ne me serais pas acheté un Nokia juste pour faire de la photo. Là. Okay. Je dois admettre qu'on me l'a donné. Donc, sinon, ça serait mon iPhone 4S que j'ai en ce moment ou bien mon vrai appareil photo que j'utiliserais. Là. Dans iOS 7, ils ont changé un petit peu le fonctionnement de l'appareil photo. Oui. C'est-à-dire que vu qu'il y a un mode rafale, si tu laisses ton doigt dessus, mm-hmm. même si tu as un appareil plus vieux, il va faire des rafales, mais plus lentes. Avant, on appuyait sur le bouton pour prendre la photo. Et en fait, la photo se prenait quand tu retirais ton doigt. Et selon moi, c'était un concept qui était plus intéressant parce que quand tu appuies sur quelque chose, tu as tendance à le faire bouger. Donc, tu le sors de son focus puis oui. tu le fais bouger. Fait que ta photo est floue. Alors que quand tu retires ton doigt de quelque chose, ben tu es plus en mesure de le garder fixe. Tu as tout à fait raison. C'est un conseil que je donnais à beaucoup de monde, moi. Mm-hmm. Quand on se promenait aux pommes, on cueillait de la Macintosh, fait que je m'occupais de donner des conseils de Mac au monde, puis je les voyais faire appuyer ouais. sur le bouton, puis que leur téléphone bougeait sans bon sens. Qu'aux pommes, s'ils n'appuient pas trop fort, tu es censé être dehors avec la lumière du soleil, ouais. ça devrait pas si mal. Mm-hmm. Okay. Mais dès que tu es ailleurs ou à l'intérieur, même ici avec des néons, des fois ça peut être insuffisant, ça peut être juste assez pour dire que ta photo va être floue parce que tu as bougé d'un cheveu ou deux, là, c'est... Puis, je pense aussi, c'est pour ça, en fait, c'est depuis iOS 6 ou même 5, on peut utiliser le bouton de volume, d'augmentation de volume sur l'appareil pour vraiment le... Ce qui est une bonne idée. Photo, ce qui est une bonne idée. Oui. C'est un hack qui vient du jailbreak, donc c'est une idée que Apple a volée à la communauté jailbreak. Et tu peux le faire aussi avec les écouteurs. Mm-hmm. Donc, tu peux simplement tenir ton téléphone, puis là, tu fais plus, mais au lieu d'être dans iTunes... Puis ça, c'est encore mieux, parce que justement, il n'y a pas de mouvement physique fait sur le téléphone même. Donc, exactement. Ça fait une espèce de déclencheur à distance. C'est pareil comme avec un vrai appareil photo. Oui. Si on veut faire une photo qu'on veut s'assurer qu'il n'y a vraiment aucun flou, on met l'appareil sur un trépied puis on utilise un déclencheur à distance. C'est pas parce que l'appareil a un super capteur dedans que automatiquement la photo va être bonne. Des fois, ça prend un déclencheur de toute façon. Fait que sur un téléphone, ça peut devenir vraiment intéressant d'utiliser ça. C'est un maudit bon truc pour les selfies. Nouveau mot qu'on a le droit d'utiliser maintenant. merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Tu restes avec nous. Oui, absolument. On n'ouvre pas pantoute de bouteille de vin tout à l'heure. La pizza s'en vient, qu'on m'a dit. Non. Malheureusement, on te ment. Bon, je vais rester quand même. C'est bon. Donc, on revient. On vous laisse avec la chronique de nos amis du Cacao Cast. Et on revient dans quelques minutes. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Cassegrain. Nous sommes les Kirk and Spock du podcast Cacao Cast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Et justement, là, on vient de commencer le mois de décembre. Et on est à quelques jours, si tout va bien, de la mise en vente du nouveau Mac Pro. Et on voulait un petit peu de parler de l'impact de cette nouvelle machine pour les développeurs d'applications. Donc, le Mac Pro, tout le monde est excité, mais si vous êtes développeur d'applications Mac ou iOS, que signifie cette nouvelle machine pour vous? Donc, on va commencer un petit peu à aller faire la liste de toutes les caractéristiques de la machine et puis de réfléchir un petit peu à ce que ça peut apporter aux développeurs. Donc, on va commencer par les processeurs du Mac Pro. C'est donc des processeurs Xeon d'Intel. C'est quasiment les plus rapides. C'est des processeur de classe serveur, donc très puissant. Multicœur, évidemment. Multicœur, donc on peut aller jusqu'à 12 cœurs. Ça veut dire que tout ce qui est traitement en parallèle, entre guillemets, ou qui peut se dispatcher ou être séparé en plusieurs sous-tâches, ça va fonctionner beaucoup plus rapidement. Donc, un développeur d'application utilise souvent une application qui s'appelle Xcode qui permet d'écrire et de compiler et d'exécuter les applications Mac et iOS. Et souvent, quand une application est assez grosse, la compilation peut prendre pas mal de temps, l'exécution des tests unitaires, de tout un tas de choses. Donc, plus la machine est rapide, plus toute cette phase de compilation, de tests, etc. sera rapide. Donc, comme un développeur passe sa journée à tester, à exécuter ses applications. Et à compiler. Beaucoup de temps. Et à compiler. Donc voilà, ça c'est le plus d'une machine comme un Mac Pro, une machine très puissante. C'est beaucoup plus rapide pour faire toutes ces choses-là. Il y a aussi il y a aussi la double carte vidéo. Alors, c'est le premier Mac qui vient de série avec deux cartes vidéo intégrées. Les deux cartes vidéo sont équivalentes, elles ont la même puissance, mais la caractéristique, c'est qu'il y en a une qui permet de contrôler des écrans, jusqu'à trois écrans qu'on dit 4K, donc de 4000 pixels de large, des écrans de très, très haute résolution. Mais la deuxième carte ne sert qu'à faire des calculs. Elle n'est pas branchée sur aucun écran. Donc, les ordinateurs viennent avec ça de série, ce qui permet de faire toutes sortes d'optimisations et d'accélération tant au niveau graphique qu'au niveau calcul avec des modules comme OpenCL, etc., qui permettent d'utiliser toute la puissance de la carte graphique pour pouvoir faire de plus longs calculs. Et de plus en plus rapidement, ça vous permet d'accélérer certaines opérations graphiques avec des logiciels comme Photoshop ou les logiciels de 3D comme Maya, des choses comme ça vont pouvoir en profiter et pouvoir faire des miracles en temps réel. Et surtout, quoi, là, les écrans 4K, on attend ça avec impatience. On espère qu'Apple va peut-être en annoncer un. Mais c'est surtout très important pour les développeurs d'avoir le plus d'espace possible pour pouvoir travailler sur ses applications, sur ses graphismes, etc. Plus on a de place, et mieux on se porte. Donc, il y a ça, mais il y a aussi que ça permet d'avoir de traiter de la vidéo HD en temps réel. Et bientôt, on va avoir de la vidéo 4K qu'il va falloir traiter en temps réel, hein, parce qu'on a déjà des caméras qui sont de plus en plus abordables et qui filment en 4K, qu'on appelle aussi Ultra HD. Voilà. Donc, ça, c'est une chose très importante. Il faut vraiment y porter attention. Mémoire vive. Bon, rien de bien spécial, hein. Le Mac Pro en standard contiendra 12 gigaoctets de mémoire vive. C'est de la mémoire très rapide, hein, la DDR5 ou 6, je ne sais plus, mais toute dernière génération. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Hein. Tout ce qui est développement et écriture d'application est en général très intensif au niveau de la mémoire. C'est aussi de la mémoire qui est plus chère parce que c'est de la mémoire de calibre serveur. Mais heureusement, elle n'est pas soudée au Mac Pro. Vous pouvez la rajouter vous-même, l'acheter vous-même de votre propre fournisseur préféré. Voilà, donc on espère. J'espère qu'il ne faut pas aller acheter chez Apple et payer le prix fort. Donc on peut monter jusqu'à 64 gigaoctets. Donc on peut avoir une machine vraiment avec beaucoup de mémoire. Donc on est très à l'aise pour exécuter tout un tas d'applications, d'avoir des machines virtuelles avec, je ne sais pas moi, votre version de Windows préférée pour tester votre site sous Internet Explorer, etc. Donc, c'est important aussi pour les développeurs. Et ça vous prend ça aussi pour traiter des images vidéo 4K à 60 images par seconde. La même chose aussi, il faut que voilà. Ça soit très rapide. Au niveau du stockage, on parle de base de 256 gigas, ce qui est vraiment pas grand-chose quand on y pense. On a ça dans un MacBook Air quasiment de base, mais jusqu'à 1 Tera. Alors ça, c'est un stockage moyen pour un Mac Pro, mais comme le Mac Pro lui-même est très petit, le nouveau Mac Pro, il n'y a pas d'expansion interne. Toute l'expansion se fait grâce aux 6 ports Thunderbolt qui sont à l'arrière. C'est les ports Thunderbolt 2 qui sont extrêmement rapides. En fait, ils sont aussi rapides que ce qu'on avait sur des disques durs internes et même quelques fois plus rapides que les disques durs internes SATA qu'on a sur les anciens Mac Pro. Donc, c'est une expansion externe, mais extrêmement rapide avec Thunderbolt 2. Voilà, donc je pense qu'Apple avait ça en tête quand ils ont fait le design de la machine. Si on veut plus de stockage, on branche un disque externe. C'est moins joli, c'est un peu le problème. Un ou plusieurs disques externes, parce qu'on peut. Il y a 6 ports, mais en plus de ça, le Thunderbolt est fait en sorte qu'on peut brancher un appareil Thunderbolt dans un autre appareil Thunderbolt en perdant très très peu de performance. Voilà, exactement. Quelque chose d'important aussi, c'est que en théorie, on ne sait pas encore parce qu'on l'a pas vu, mais le Mac Pro serait plus silencieux. Les Mac, si vous vous souvenez des Power Mac et Mac Pro, etc., les Mac G5 et tout, c'était connu pour être des souffleries, là, on disait ça, ou les souffleries de tunnels, je ne sais pas quoi, là, pour tester l'aérodynamisme des voitures. C'est très bruyant, donc j'espère qu'à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus silencieux, parce que de travailler avec une machine comme ça juste à côté de soi, à longueur de journée, c'est pas facile si c'est trop beau. Il faut dire que les derniers G5 étaient quand même un peu plus silencieux parce qu'ils étaient refroidis à l'eau. Ouais. C'était refroidissement liquide. Mais ça, c'est un niveau de complexité qu'on ne souhaitait pas à ces machines-là. Ça. Voilà. Donc, dernière chose, c'est que bon, le prix d'appel, c'est quand même 3 000 $. Donc, c'est un investissement. Puis ça, c'est le prix de base. Ça, c'est le prix d'entrée. Là. C'est le prix d'entrée. on ne sait pas quel sera le prix maximum pour la configuration maximum, 64 gigaoctets, 1 Tera de SSD, etc. On verra. Mais voilà, paris sont ouverts. Vous êtes développeur, c'est quand même un investissement. Il va falloir y réfléchir à deux fois. Est-ce qu'un iMac me suffira ou alors je passe à un Mac Pro pour avoir un bel écran, pour avoir une machine très rapide, pour travailler mieux? On a parlé des cartes vidéo, mais ça, c'est les cartes vidéo de base. De base, il y en a deux de quand même de bon calibre, mais il y a moyen d'aller encore plus loin puis d'avoir des cartes vidéo. Le prix des deux cartes vidéo, c'est le prix du modèle de base. Alors, il y a moyen que ça monte assez vite pour avoir une machine extrêmement performante. Alors, là, les paris sont ouverts à savoir combien ça va coûter. Exactement. Donc, on en reparlera bientôt parce que voilà, on a hâte que le Mac sorte. J'espère que ça sera dans les quelques jours, deux semaines. J'espère que ça sera avant Noël. On verra bien. Donc voilà, on voulait parler un peu du Mac Pro pour les développeurs. C'est une machine très attendue à ce niveau-là. Et on a hâte de la voir en chair et en os, si j'ose dire, bien sûr. On va parler maintenant d'une application qui est assez spéciale. Je vais te laisser le soin de la décrire, Philippe. Elle s'appelle app.io. Oui. App.io. Oui, alors on parle d'une application, c'est une application web. Donc c'est un site web qui s'appelle app.io ou app.io pour faire plus vite. Ce que ça permet de faire, c'est que ça vous permet de mettre une version de démonstration de votre application sur le web. Alors là, vous allez dire qu'est-ce que ça veut dire, se mettre une version de démonstration. C'est tout simplement que si vous voulez démontrer votre application à quelqu'un, il y a certains services qui vous permettent de faire des copies d'écran et puis de faire des petites transitions de l'une à l'autre pour que vous puissiez faire une petite démo à quelqu'un, dire voilà, mon application, elle fonctionne comme ça. Et quand on passe à cet écran-là et qu'on appuie là, ça fait ce genre de transition, etc. C'est bien joli, mais ce sont uniquement des prototypes. App.io, c'est un service qui vous permet d'envoyer carrément votre version simulateur, donc la version qui tourne sur le processeur 386, la version qui tourne sur votre Mac. Vous faites un fichier zip avec, vous l'envoyez sur app.io et app.io s'occupe de faire tourner votre application sur leur site en HTML5. Pas besoin de Flash, pas besoin de rien de tout ça. Ça fonctionne en HTML5 et vous pouvez envoyer l'adresse à quelqu'un, n'importe qui en fait, et cette personne-là va pouvoir utiliser votre application et voir avec presque toute la performance d'une application standard comment ça fonctionne. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à rajouter sur votre application. Ça se fait automatiquement, ça prend votre version simulateur. Et Et ça marche. C'est sûr que si vous avez une application qui est un jeu en OpenGL avec qui demande beaucoup de performance, c'est pas App.io, c'est pas nécessairement pour vous. Moi, je l'ai testé avec mon application STO Synchro et je l'ai mis là, qui est une série de tables avec des listes d'autobus, des listes des cartes et des favoris et des choses comme ça. Et tout fonctionne parfaitement bien. J'ai rien eu à changer. J'ai été extrêmement satisfait de App.io. Ça me permet de présenter mon application à d'autres personnes qui soit n'ont pas d'iPhone ou alors je voudrais leur présenter, mais je ne veux pas nécessairement obtenir leur profil d'approvisionnement et leur dire « Bon, vous allez sur TestFlight ou sur Hockey.app pour télécharger mon application. C'est compliqué, c'est barbant. Quand on doit récupérer le numéro identifiant de l'iPhone et puis l'entrer dans notre nouveau profil d'approvisionnement, générer un nouveau profil d'approvisionnement. » Un tas de trucs que la plupart des développeurs qui nous écoutent savent que c'est complètement barbant. Si on peut faire passer outre à tout ça et leur donner une version... un ersatz, un succès d'année d'application qui fonctionne dans leur navigateur web, c'est un gros avantage et ça s'appelle app.io. Voilà, c'est assez bluffant. On vous invite à l'essayer vous-même. Vous verrez qu'il y a déjà des applications, démonstrations. Et, oui. Si vous nous envoyez une petite note, je suis sûr que Philippe vous donnera le lien de sa propre application que voilà. Vous puissiez la tester. Mais on ne va pas vous la donner maintenant parce que peut-être que ça ferait un peu trop de monde qui l'utilisera en même temps. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un niveau gratuit qui vous permet de mettre une application, c'est ce que j'ai utilisé, et qui vous permet d'avoir un nombre limité de personnes qui la voient en un mois. Alors, c'est pour ça que vous pouvez l'essayer, vous pouvez l'envoyer à vos copains, voir comment ça fonctionne, et à partir de là, si vous voulez l'utiliser pour votre entreprise, vous pouvez passer à la zone payante, mais pour la version gratuite, ça vous donne presque tout ce que app.io peut faire. Voilà. Et on va terminer par un outil qui s'appelle Travis CI. Donc, CI pour Continuous Integration, intégration continue. C'est un outil en ligne, c'est un service web qui vous permet de faire la compilation et l'exécution de vos tests unitaires si vous écrivez une application correctement avec des tests. C'est ce qu'on encourage les développeurs de faire pour accroître la qualité de leur application. Donc, ce service en ligne permet de faire ça. Il est surtout très populaire pour les applications libres, open source. Donc, si vous allez sur le site travis-ci.org, vous verrez tout un tas d'applications open source qui sont en train d'être compilées. Donc, ce qui se passe en général, c'est que quand vous faites une modification de votre application, vous pouvez vous arranger pour que Travis compile l'application. Exécute tous vos tests pour vous assurer que votre modification n'a rien cassé. Voilà, c'est un peu l'idée derrière l'intégration continue. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, c'est surtout ça. C'est vous assurer que toutes les modifications que vous apportez à votre application ne vont pas casser quelque chose qui marchait déjà bien dans d'autres parties de votre application. Et les développeurs qui se demandent pourquoi je fais ça sur ma machine à moi, pourquoi ça ne règle pas le problème, c'est que votre machine, elle est configurée pour vous, elle a certains raccourcis que vous avez, il y a peut-être certaines clés qui sont installées qui font en sorte que tout fonctionne, mais si vous envoyez ça sur une machine autre, peut-être que la compilation ne fonctionne pas parce qu'il manque un certain outil ou des choses comme ça. Ça, c'est important de pouvoir vérifier ces choses-là avec un outil d'intégration continue et surtout une machine qui est séparée de la vôtre. Et pour un projet qui est open source, vous n'avez pas nécessairement une machine dédiée à la maison qui vous permet de faire des compilations avec macOS 10 serveur là, ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus simple d'aller sur Travis.ci et de brancher directement votre compte GitHub et votre application open source. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste pour des projets en JavaScript ou des projets en Ruby ou en Python, ou etc. Là. Ça marche avec des projets Xcode 5 et en Objective-C et avec iOS 7 même. Ils supportent tout ça dans Travis.ci sur le web. Voilà, donc c'est gratuit pour les projets open source et c'est payant pour si vous avez des projets privés que vous voulez pas que tout le monde voit. Mais voilà, ça vous permet donc de travailler correctement en faisant des tests et en faisant ça bien, mais sans non plus devoir investir, comme tu disais, dans du matériel supplémentaire et puis faire la maintenance de tous ces serveurs, etc. Voilà. Voilà, c'est une très bonne solution, travis-ci.org. Voilà, donc si vous voulez entendre un peu parler de plus de sujets comme ceux-là avec nous, ben, venez nous rejoindre sur cacaocast.com. On sera content de vous accueillir et puis de partager un peu tout ce qu'on raconte là. Et bon, donc c'est tout pour nous et on va maintenant rendre la parole à l'équipe de Mac Québec. Mac Québec, le podcast. Nous voilà de retour en studio. Je ne savais pas que les gars allaient passer leur podcast au complet. Chronique. D'habitude, en fait, on fait des demandes pour 5 à 7 minutes. Puis les gars avaient du stock à dire. C'est correct, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans le segment de dans le segment des nouvelles de Mac Québec, depuis quelques jours, en fait, il y a une page spéciale. On accueille un invité d'outre-Atlantique sur les pages de Mac Québec et on est maintenant le diffuseur officiel en terre québécoise du podcast vidéo On refait le Mac. Oh. Donc, c'est un podcast qui est très intéressant. Ce sont des discussions qui sont faites avec des gens qui connaissent bien leur Apple, qui ont un petit accent français, si ça vous dérange pas. J'ai vu dernièrement qu'il y avait une question qui était posée sur Facebook aujourd'hui. Y a-t-il trop de français à Montréal? Oui, oui, la petite vidéo, la chanson. Là. J'ai pas regardé c'était non, quoi c'est la vidéo. Non, c'est une chanson, en fait. C'est drôle, c'est humoristique. OK, mais... OK. Mais... Oui. Puis trois pauses plus loin, t'as au Fairview Pointe-Claire, tu peux pas te faire... servir ouais. en français. Là, t'es comme, mais c'est quoi cette question-là s'il y a trop de français à Montréal? Ouais, j'ai vu passer ça sur le Huffington Post, je crois. Il y a trop de français sur le plateau, eux autres. Ouais, c'est ouais. ça. Puis au Fairview, c'est qu'il y a trop d'affichages en français dans les boutiques. Les anglophones se révoltent. Ouais, c'est ça. Sont au Québec, mais c'est pas grave. Ça va être là tout à l'heure. Mais bref. Parenthèse, comme ça, quand ton téléphone au Apple Store, au Fairview Pointe-Claire, le message enregistré commence en anglais. Mais quand ton téléphone dans n'importe quel autre Apple Store au Québec, le message enregistré commence en français. Fait qu'il appelait ailleurs. On va aller en nouvelles, mais c'est ce que je voulais vous dire. Donc, on refait le Mac qui est maintenant diffusé par Mac Québec. Donc, quand vous avez fini d'écouter notre podcast, vous pouvez aller chercher encore plus de Mac en écoutant On refait le Mac, en écoutant les amis du Cacao Cast. Et si vous voulez aller encore plus loin, ben il y a mon studio au Canada. Puis encore plus loin, il y a tout le monde du réseau web. Donc, en fait, le podcast, entre autres, de notre ami Stéphane Vaillancourt, Objectif numérique. Très intéressant pour en apprendre plus sur les Kodak. Les Kodak. Et un jour, les gens ne sauront plus pourquoi on dit les Kodak. Hein? Oui, c'est vrai, hein, vu que la marque n'existe plus. Il reste quelques brevets, quelques trucs, là, mais je ne suis pas sûr que ça va faire long feu. Le nom, en tout cas, là. Je vais avoir vécu assez longtemps pour que un nom de compagnie qui sert de nom générique à un appareil disparaisse. Ouais, ouais. Discord Tower. Oh. C'est déjà ça. Ça là, c'est disparu. Ouais. Ouais, mais c'est pas technologique. Ouais. Mais avez-vous remarqué, il n'y a aucune marque d'essuie-tout au Québec qui porte un nom francophone. Non, c'est à part Cascade, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai vu Bounty, Sponge Towel. Ouais. Ça me fait capoter. Mais vous écoutez toujours un podcast à propos de Apple. Et on commence tout de suite en nouvelles. C'est cette semaine, en fait, que les services sans fil, en fait, le code sur les services sans fil du CRTC, qui est annoncé un petit peu plus tôt cette année, est entré en vigueur lundi. Donc, si vous êtes acheté un téléphone à partir de lundi, il y a des lois qui rentrent en ligne de compte qui sont un petit peu différentes. C'est rétroactif? Il y a certains... C'est pas rétroactif à nos contrats. Nous autres, on est toujours 3 ans. Si t'es 3 ans, c'est lundi, si tu prends un nouveau truc ou que tu fais un changement à ton contrat, oups, tu tombes sur le 2 ans, tu tombes sur la nouvelle loi. OK. Fait que, mais de toute façon, les fournisseurs ont presque tous s'adapté à leur politique. Là, oui, ils sont allés chercher plus d'argent dans vos poches. Uh-huh. Donc, en fait, il y a certaines choses dans cette loi-là. Entre autres, le gouvernement a mis dans la loi des principes qui font que si vous allez en vacances et que vous utilisez la bande passante là-bas, ben vous ne payerez pas plus que 100 $. Ça ne veut pas dire que vous avez illimité... Le compte va être bloqué. Le compte va être bloqué à 100 $. Donc, vous téléchargez 2/3 de MP3, puis paf, c'est fini. Vous pouvez en croisière, ça va vite. Je pense que c'est 15 $ du mail. Donc, vous ne pourrez pas le faire. Les contrats sont maintenant sur 2 ans avec la même subvention qu'avant, ce qui fait que tous les contrats ont été rehaussés. Mm-hmm. Puis là, tranquillement, ils sont en train de vendre des super promotions spéciales au même prix qu'ils faisaient avant. Et le problème, là, malheureusement, et moi, je vais m'informer là-dessus, mais en ce moment, je suis encore sur mon contrat de 3 ans qui achève, mais... Quelqu'un qui se prend un contrat de 2 ans avec une subvention, justement, admettons pour un iPhone ou n'importe quel appareil, le prix du le montant du forfait mensuel est en fonction de récupérer l'argent sur les deux ans. Oui. Mais quand tu arrives à deux ans et un mois, ton montant mensuel ne baisse pas. C'est vrai. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, mais je vais faire une recherche parce que... En fait, ton contrat est de deux ans, mm-hmm. mais je pense que les compagnies vont encore avoir le droit d'offrir des contrats de trois ans. La subvention sur l'appareil doit être obligatoirement répartie sur deux ans. Mm-hmm. Sur 24 mais mois. Mais les compagnies peuvent encore demander aux clients de signer une entente de trois ans, par exemple, sur une option donnée ou sur une option de message texte ou de boîte vocale. Ouais. Tu as le droit de t'en aller au bout de deux ans. Oui, mais si tu t'en vas pas... Si tu les appelles, tu leur dis, écoutez, ma subvention est finie, pourquoi ma mensualité ne baisse pas? Est-ce qu'ils vont te dire, excusez, monsieur, on a oublié, ouais, on va vous baisser. Maintenant, je sais que Rogers et Fido ont des incitatifs à apporter notre propre appareil. Ils donnent une réduction mm-hmm. de 10 % par mois. Ouais, ouais. Bon, probablement, t'accorder ça. Ouais, c'est quoi ça. À 10 % là, tu vas sauver 4$ peut-être par mois? Ben, il n'y a pas beaucoup de contrats maintenant en bas de 50$ avec uh-huh. un forfait de données. Là. Donc, ça va être entre 5 à 8 $ peut-être par mois, mais c'est déjà ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aujourd'hui que le CRTC travaillait très, très fort. Puis j'ai comme l'impression que l'analyse des geeks a fermé en même temps que le CRTC a arrêté de faire des niaiseries. Ou en tout cas, ils ont manqué de sujets, ils se sont dit, Oui, c'est ça. Mais ils en font moins de niaiseries. Cette semaine, on a vu que les nouvelles fréquences qui sont disponibles pour les réseaux sans fil et dont on entend parler... par les acteurs actuels du sans-fil parce qu'ils ont eu très, très peur que les compagnies américaines s'en viennent ici. Puis là, ben, y a des rumeurs à propos de compagnies françaises qui s'en viendraient ici, entre autres Orange, si je ne me trompe pas, qui viendraient faire un tour. Donc, eux disaient, les règles ne sont pas justes, on voudrait pouvoir acquérir les bandes, blablabla, puis ils vont les donner. Puis on a appris aujourd'hui, en fait, qu'ils voulaient vraiment, vraiment pousser les bandes vers d'autres acteurs et non pas vers le Big Three. Donc, ça augmenterait la compétition. Un peu, par contre, quand il y a eu toute cette histoire-là de compétition provenant peut-être de T-Mobile, je pense qu'elle allait venir, ou... C'était Verizon. Bien, on a appris quelques jours plus tard que Verizon avait peut-être considéré venir, mais ils se sont rendus compte très, très rapidement que plus d'acteurs dans le monde de la téléphonie allaient en fait empêcher tout le monde de faire des profits. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait, puis Verizon a dit, bon, ben nous autres, finalement, on n'ira pas, puis les autres trois ont dit, écoute, tu pourrais-tu faire un statement qui dit à tout le monde que c'est une bonne idée que tu ne sois pas venu, puis blablabla. Je ne sais pas trop, tu sais, mais... Il me semble qu'il devrait en avoir d'autres, puis il me semble que ça pourrait être moins cher que ça, surtout maintenant. Là, J'attends la journée où Roam Mobility va s'acheter du spectre au Canada, puis je vais pouvoir avoir mon forfait 89-95 avec 9 gigs de data. Puis illimité la voix, les appels, le texte, partout au Canada. Voix vocale, l'afficheur, tout le kit. Voilà. Ce qui serait cool aussi, c'est que ça fonctionne aux États-Unis. Tu as combien de données sur tes téléphones? J'ai 6 gigs. Tu as pris le 6 gigs quand il était disponible? Oui. Ça n'existe plus ou à peu près pas. Là. Ils font de temps en temps doublant les données, blablabla, mais c'est plus de 50$. Après 6 mois de négociation aussi, là, c'est de plus en plus. Moi, j'ai 10 gigs. Okay. Puis je le paye 50$. Je les ai appelés quand le 5 est sorti, puis ma consommation avait comme augmenté de façon ridicule. Mm-hmm. Puis ils m'ont offert ça parce que j'étais vraiment en tabarne. Puis je les ai checkés. T'as combien? T'es encore à 6 gigs aussi? Ouais. Okay. Moi, j'ai jamais, je pense, dépassé 3 gigs parce que je travaille de la maison, je suis toujours en Wi-Fi. Mm. Puis même si je sors en auto, j'écoute de la musique en streaming. Puis je fais jamais attention, mais mes sorties par rapport au temps que je passe au bureau en Wi-Fi sont pas assez grandes. Donc, j'ai jamais, même en faisant exprès, là, j'ai jamais dépassé 3 gigs. Moi, je fais du support à domicile, tu sais. Ah, puis tu vas chez des clients des fois, puis non, j'ai du haute vitesse, puis là, il faut que tu fasses une mise à jour de OS 10 à 1 gig cuck, puis tu sais, comme, ben ça va être disponible dans 4 heures, tu sais. Ouais, ouais. Soit que je vais faire un tour au parc ou, on va te mettre sur du LTE, puis ça va aller un peu plus vite. Mm-hmm. Voilà. Sinon, on a appris il y a quelques semaines le prix le plus bas que le Mac Pro pouvait sortir. On s'y attendait pas. Donc, le premier Mac Pro est 3099$. Mm-hmm. Et cette semaine, on a appris, en fait, le prix le plus haut que le Mac Pro allait être vendu. Je pense que c'est autour de 994 000$. Mais ce qu'il faut dire, c'est sûr que présenté comme ça, ça fait un gros titre qui est un peu biaisé. Ce qui se passe, c'est que Jonathan Ive et son meilleur ami Mark Newson ont fait une collecte de fonds. Ont en fait créé un paquet de produits pour Red, en fait, c'est ramasser de l'argent pour le sida en Afrique. Le sida en Afrique. Et c'est le projet de Bono qui, dans la vidéo de présentation, a pris un sacré coup de vieux. Tabarouette, il a l'air du méchant dans Die Hard 2. Là. donc, il a encore ses lunettes puis tout, mais tu fais comme... Oh shit, il est amaigri. Bon. Et ils ont ramassé, en fait, il y avait là-dedans, en fait, différentes choses. Il y avait une caméra Leica qui a dépassé $1 million. Il y avait un Mac Pro Red, probablement le plus boosté qu'il pouvait avoir. Il est super beau. Il était vraiment, vraiment beau. Il ressemblait à une grosse pilule. En tout cas, l'acheteur va être déçu si c'est le modèle de base. Oui, oui, tout à fait. Juste pour avoir le rouge. Et il y a plein de choses comme ça qui se sont vendues qui étaient fort intéressantes. Et ils ont réussi à ramasser avec ça 12 883 000. C'est quand même pas pire pour deux gars. Mm. Donc, bravo pour ça. Pour l'initiative. Oui, tout à fait. Ça a été fait chez Sotheby's. Je ne sais pas comment le prononcer. Sotheby's. Sotheby's. Je pense qu'il y avait un véhicule. Il y avait un Range Rover qui a... Range Rover, 461 000. Oui, qui a été designé par eux. Il y avait une paire de earphones. Les AirPods d'Apple en or massif, okay, en vrai or. 461 000 en or rose. Ouais. OK. Quand même. Tu sais, rapport Bebel, tu sais, un Mac Pro, bon, c'est hot, là, mais j'aimerais ça voir, tu sais, la paire d'écouteurs à 39$, que, whoop, on met de l'or rose dessus, puis ça devient 471. Faut pas que tu les perdes. Hein? Non. tu sors de l'autobus, ça se pogne dans un truc, puis il pète, t'es comme. Le fil arrache, je suis bien. Voilà. Donc, ça fait un peu le tour. T'avais-tu consommé des produits Red, Stéphane, non. Dans le temps, peut-être, ils ont sorti un iPod mini, si je ne me trompe pas, dans la troisième ou quatrième génération qui était, Red. Tu pouvais juste l'acheter sur le site d'Apple. OK. Fait qu'ils ne voulaient comme pas donner de code. C'était la code de vente qu'ils donnaient aux produits Red. Les iMac 2013 remis à neuf qui font leur apparition sur l'Apple Store en ligne. Donc, si vous êtes sur le marché pour une de ces appareils-là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il a été mis à jour avec le Haswell récemment, ce Mac? Oui, il est sorti, okay. le nouveau, le tout mince, là, il est sorti à l'automne, je pense, ou à la fin de l'été. Là. OK. Donc, c'est sûrement ça. Là, habituellement, là, les produits sortent remis à neuf là, à peu près 3-4 mois, là, après 2-4 mois là, après la mise en vente générale. Excellent. Donc, si vous êtes sur le marché pour ça, vous regardez là. Est-ce qu'on a une idée à peu près de l'économie à faire en pourcentage? Ça tourne entre les 12 et 18 %, okay. Là, tout dépendant de ce qu'on peut trouver. Mm-hmm. Ça vient avec la garantie. Oui, bon, c'est ça. S'il y a une bonne garantie, la garantie à Apple, comme si tu l'achèterais neuf, finalement. Ouais, ça vaut la peine. Il n'y a, pas vraiment de risque à prendre. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent l'avoir neuf, mais il y en a d'autres qui sont prêts à prendre de risques. Aussi minime qu'il peut être. C'est un risque qui est très, très, très calculé. Pour avoir eu des appareils neufs qui ont brisé après quelques minutes ou quelques jours, tu sais, on n'est jamais sûr de rien avec l'électronique. Tu le reçois dans la boîte, le galère neuf, il a été remballé par rapport. Des fois, justement, ce que je voulais dire, c'est que des fois, un reconditionné va mieux fonctionner qu'un appareil neuf qui a subi peut-être un mauvais traitement au centre de distribution, importe. L'appareil neuf est passé dans les mains d'un ingénieur qui a fait une vérification, alors que, c'est-à-dire l'appareil reconditionné, alors que l'appareil neuf, lui, est passé à travers les tests qui sont faits sur la chaîne de montage à Foxconn, mais il n'y a pas rien qui a été fait au niveau de la vérification par un ingénieur. Donc, souvent, ils sont mieux checkés. On parle sur le modèle 21,5 pouces, une économie de $230 par rapport au prix régulier. Quand même. Puis sur le modèle 27 pouces, c'est $300 d'économie là, sur le prix régulier. Ça vaut la peine. Intéressant. Apple qui a fait une acquisition il y a un certain temps. Je ne sais pas si on en avait parlé au dernier podcast. Je pense que oui. Donc, PrimeSense, qui est la compagnie israélienne qui est à la source du développement de la première Kinect Xbox. Oui. Donc, je pense qu'il y a deux semaines, on a appris qu'il y avait eu des rumeurs cet été comme quoi ils avaient fait l'acquisition de ça. Et là, récemment, en fait, on a appris que Apple a mis la main sur Topsy, qui est en fait une des très peu nombreuses compagnies au monde qui a accès à ce qu'on appelle le Fire Hose Twitter. Donc, dans votre feed Twitter à vous, vous recevez en fait... c'est très, très... d'abord, vous ne recevez pas tous les tweets, les retweets, les trucs comme ça. Il en manque. Vous ne recevez pas... vous pouvez pas faire... Quand vous faites une recherche, par exemple, vous allez trouver quelque chose qui est du continent nord-américain majoritairement. Il faut vraiment faire des recherches plus poussées, aller chercher en Chine ou des trucs comme ça. Et eux, ils ont accès à cette Fire Hose-là. Donc, on ne sait pas encore tout à fait à quoi va utiliser Apple, va utiliser Topsy. Apple, mais ça devrait être inclus en fait à l'intérieur de Siri, de rendre encore plus intelligent Siri et de permettre, grâce à cette hose-là, à ce canal de connexion-là, de pouvoir faire des demandes à plus... comment je pourrais dire? Plus pointu, peut-être? C'est pas plus pointu, mais plus... tu sais, à date, tu y demandes quelque chose, puis c'est géographiquement... tu arrives devant un restaurant ou tu cherches un restaurant, puis tu demandes à Siri, trouve-moi un restaurant italien. Par exemple, si on avait Topsy, qui est rajouté là-dessus, puis ça fait partie du concept depuis le début, on pourrait dire, trouve-moi un restaurant que mes amis me recommanderaient. Okay. Et là, à ce moment-là, il va être capable de faire la recherche dans ce que tu suis sur Twitter, puis il va faire, Stéphane, telle personne, puis telle personne avec qui tu jases beaucoup, sont allés à telle place, ils en ont dit du bien, je te recommande d'aller là, voilà. Donc, on dit beaucoup dans les médias sociaux que de plus en plus, les choix sont motivés par nos pairs. Mm-hmm. Entre autres, moi, à chaque fois que Frédéric Harper s'achète un T-shirt, je l'achète pas loin en arrière, à moins qu'il y ait le logo Microsoft dessus, mais là, il n'en achète plus de ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'écoute beaucoup ce que les gens me disent autour de moi. J'utilise beaucoup de Twitter pour essayer de me trouver des deals, des trucs comme ça. « Hey, des pneus d'hiver, j'achète ça où? » Avec l'espérance qu'un gars me dise « Ben, moi, je t'ai vend à tel prix parce que j'écoute le podcast et je te fais un bon deal. » Donc, c'est quand même assez intéressant de voir où ça s'en va. Puis, on voit, bon, du côté de Google, il y a des produits qui sont très efficaces comme Google Now que les gens aiment bien. Puis, on voit du côté de... Du côté de Apple qui veulent pas rester en arrière avec, avec Siri, que j'utilise de plus en plus. Moi, j'ai jamais vraiment été. J'ai jamais pris l'habitude d'utiliser Siri. C'est vrai? Ouais. Moi, je préfère encore faire la recherche. Ouais, moi, même chose. Même que ce soit Android ou iOS, j'utilise ni un ni l'autre. Un des trucs qui est vraiment intéressant avec Siri que moi, je commence à utiliser de plus en plus, d'abord, en fait, tu sais. Moi, j'ai pas d'amis qui ont d'autres produits qu'à Apple. Si t'en as pas, je te parle pas. Bon, je vais y aller. Non, mais t'en as des produits Apple. Et à ce moment-là, en fait, avec iOS 7, on a le FaceTime audio. Oui. C'est vraiment meilleur au niveau de la qualité audio parce qu'au lieu de te passer de la vidéo sur le LTE, il te passe tout ton feed audio sur la bande passante. Donc, c'est très, très clair. Et quand tu veux appeler quelqu'un, si, tu sais, souvent, son numéro de téléphone est associé à son compte iCloud. Donc, tu fais juste demander de FaceTime audio telle personne et ça va faire l'appel. Tu n'as pas besoin d'aller dans FaceTime, trouver la personne, blablabla. Tu le fais directement par Siri. Puis c'est vraiment intéressant. Parce que ma conjointe, elle a un iPhone, elle aussi. Fait que je vais pouvoir l'appeler. Et voilà. Puis un autre des trucs que tu peux faire, c'est donner un surnom à quelqu'un dans ton iPhone. Petit truc comme ça. Non, je ne ferai pas ça. Mais tu donnes un surnom. Et, par exemple, Jonathan Moreau, qui est un des collaborateurs à Mac Québec, il a dit à mon téléphone de l'appeler Batman. Ah, OK. Fait que si je vais dans Siri et que j'ai « Find my friend » d'installer, tu peux demander à Siri de trouver quelqu'un. Et j'ai dit « Trouve Batman », puis il me dit « Regardons ensemble où se trouve Jonathan Moreau ». Fait qu'il me donne l'identité de Batman en à plus, Montréal. C'est malade. Ouais, c'est fou. Voilà. Est-ce que tu as lu l'article Les 5 irritants de macOS X? Mm-hmm. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, mais c'est les 5 irritants de OS X Maverick selon les lecteurs du site Ars Technica. Donc, il y a eu probablement un vote ou quelque chose comme ça? Oui, je me suis les commentaires qu'ils ont reçus sur leur site. Il y a quelques sites qui ont fait ça cette semaine, là, j'imagine, influencés par Ars Technica, probablement, qui est assez une référence. J'ai pas encore OS X Maverick sur mon ordinateur à cause d'un des irritants sur la liste. OK. Mais sinon, on peut faire un survol. Apparemment, le dock a changé. Il y a certaines personnes qui aiment avoir le dock vertical sur le côté de l'écran. Là, ouais. Entre autres, quand tu fais du montage vidéo, tu veux pas avoir ton dock en bas, tu vas te pitcher par la fenêtre parce que tu passes ton dent à le faire grossir puis à pas être capable de rétrécir tes fenêtres. Donc, les gens le mettent souvent sur le côté. C'est ça, mais là, l'apparence serait... Apparemment, le fond est comme blanc, opaque un petit peu, là, et puis les gens aimeraient pas ça. Là. C'est plus esthétique là, que utile, là, mais c'est probablement le seul irritant là, que les gens trouvent... esthétique là, que les gens trouvent. Là. Sinon, il y a les fenêtres du Finder qui ont été repensées un petit peu. Comme avec OS X 10.8 ou 10.7, quand on ouvre un dossier, on pouvait avoir l'option de l'ouvrir dans une autre fenêtre. Mais dans Mavericks, apparemment, cette option-là a été enlevée. Là, donc, c'est un côté pratique là, qui s'en va. Moi, je suis habitué à cette fonctionnalité-là. Je ne sais pas comment je vais réagir quand... En fait, je pense que le move de Apple, c'est de pousser le nouveau features dont Geneviève nous a parlé il y a deux semaines, qui sont les tabulations dans le Finder, les tabs. Et à ce moment-là, en fait, tu peux l'ouvrir dans le tabs, mais dans l'article, il dit « Non, Finder, ouvre-moi-les dans une autre fenêtre. Si j'avais vraiment voulu avoir un tabs, je serais allé me chercher un des plugins qui fait ça. » Tu sais, c'est pas le gros features, mais il faut apprendre à l'utiliser, puis c'est vrai que ça peut être fatigant au niveau de comment ça fonctionne. Tu ouvres deux fenêtres, tu le prends d'un côté, tu le pitches de l'autre, c'est fait. Alors qu'avec les tabs, tu prends le document, tu t'en vas sur le tabs en haut, tu attends qu'il switch, tu le ramènes dans le dossier. Ouais. C'est un petit peu plus long. Mm. Sinon aussi, il y a la gestion des moniteurs USB. Mais là, c'est ça, j'en parle chaque semaine depuis que la première bêta de Mavericks est sortie. Les API à la base de Mavericks ont changé. Moi, chez moi, j'ai deux adapteurs VGA à USB pour brancher deux écrans externes. Et puis, Mavericks en reconnaît juste un à moitié maintenant. Bon. Donc, j'oublie mes écrans externes. C'est pour ça que je reste avec 10.8, parce que j'ai pas le goût d'avoir deux écrans éteints sur mon bureau là, en tout temps. Pis c'est plate parce que au niveau des dual screens, ça a été beaucoup amélioré dans Mavericks. C'est vraiment bien. Tu peux avoir ton dock sur tous les écrans. Menu aussi qui se déplace d'un écran à l'autre. C'est plus juste un écran principal avec deux écrans secondaires qui font pas vraiment rien. Exactement. À moins que tu le dises de faire quelque chose. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisaient justement des moniteurs, soit un moniteur USB là, qui sont portatifs ou des adapteurs comme ça, le fait par la compagnie, le Display Link qui est mentionné dans l'article. En fait, ce que tu nous as déjà expliqué, c'est qu'ils se lancent la balle. Display Link dit que c'est de la faute d'Apple. Display Link a avancé quelque chose, puis je l'ai vérifié, c'est vrai, c'est la faute d'Apple. C'est Apple qui a changé la façon que c'était géré dans le système. Fait que même si Display Link voudrait faire quelque chose avec le pilote qui ont sorti, ils ne pourraient rien faire. Il faut qu'ils attendent qu'Apple le change dans le système. OK. Donc, dans une future mise à jour, peut-être. Oui, peut-être. Là. Bon. Mais c'est plate parce qu'on est comme... J'ai acheté ces choses-là, ces adapteurs-là. Ça coûte 60 de piastres chaque. Okay. Là. J'ai 120 piastres d'adapteurs plus deux écrans. Et puis là, je suis pris avec une version... Je suis pas quatre versions en arrière de OS X, là, mais quand même, moi, je suis du genre... Je l'aurais téléchargé là, à minuit là, quand il est sorti. Et finalement, en fait, le Quick Look, qui est not so quick... Oui, qui serait plus lent pour faire afficher. Je ne l'ai pas comparé, là, je peux pas donner d'opinion personnelle, mais c'est vrai que c'est rapide. Ça a toujours été rapide. Mais apparemment, ça serait plus lent. Je ne sais pas de combien plus lent. Faudrait voir... Ça me semble être quand même assez rapide. Souvent, les gens qui vont avoir des problèmes vont être ceux qui vont avoir fait la mise à jour plutôt qu'un clean install. Ouais, c'est ça. On avait des problèmes avant et ça s'est pas fait là. À chaque mise à jour, il y a des gens qui ont des problèmes, mais il semble que les choix que Apple a fait dans ce système d'exploitation-là, qu'ils ont mis gratuit, font... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Il y a des instabilités à certains égards. Moi, je suis en train de rouler 10.9.1 actuellement, puis il y a beaucoup... Des fois, tu as un espèce de feeling que le système n'est pas fiable. Puis avec 10.9.1, cette espèce de sentiment-là a disparu. Mais il reste quand même des trucs un peu plates là, à ce niveau-là. Donc, on vous invite à faire attention. Si votre système est important au niveau de votre productivité, faites pas la mise à jour à Mavericks tout de suite. Ouais, parce que c'est assez difficile de revenir en arrière un coup que la mise à jour est faite. Ouais. Au pire aller, on en a parlé dans le dernier podcast. Vous pouvez faire une seconde partition sur votre disque dur. Vous pouvez même le faire sans avoir besoin d'effacer le disque dur. Disk Utilities vous permet de faire une partition sans briser. Sans avoir à effacer. Donc, vous pouvez peut-être faire l'installation là-dessus puis aller faire un tour une fois de temps en temps. Puis quand vous allez être satisfait, en fait, de la stabilité et du fait que, bon, les programmes que vous avez sont compatibles, tout ça, à ce moment-là, on fait le saut puis on peut travailler là-dessus. Mais pour l'instant, autant du côté serveur, écoute, il y a des choses au niveau du stack... De connexion réseau à un disque dur externe. Apple a fait le choix, sans vraiment le mentionner, de dire maintenant on utilise du SMB2 qui est plus complet, mais qui n'est pas utilisé par beaucoup de monde, puis qui est plantogène. Ouais, les fabricants n'ont pas suivi là, non plus. Ce n'est pas tous les fabricants. C'est juste... ça va être sur le matériel haut de gamme là, qui supporte ça. Exactement. Puis du côté de l'AFP, qui est le Apple File Protocol, c'est deprecated. Apple ne le met plus à jour. Okay. Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant. Fait que si vous achetez du nouveau stock réseau puis qu'on vous dit que c'est AFP, c'est bien le fun pour maintenant, mais tranquillement, pas vite, Apple s'en va de ce protocole-là. Et il y a des choses qui ne sont pas supportées sur le SMB2. Sur le SMB, c'est-à-dire la version 1. Entre autres, Time Machine n'est pas supporté sur le SMB. Je pense que les tags ne sont pas supportés. Il y a des features intéressants qui ne suivront pas. Donc, il faut avoir un disque SMB2. Puis si, comme il est plantogène, on a tendance à aller en CIFS, qui est pour obliger le système à aller en SMB version 1, le stack. Okay. Donc, c'est compliqué tout ça. Je ne parlerai pas de mes problèmes à la job, là. Mais disons qu'on se casse la tête à bien des égards de ce côté-là. On continue. Ouais, l'image coupe encore. Là. On s'excuse. C'est de la faute à Jason parce qu'il n'est pas là. Il a joué là-dedans la semaine passée. Oui, ouais, sûrement. Fait, voilà. Pourquoi on a une news sur PayPal? Ben parce que je sais pas, le détail n'est pas là, mais PayPal a lancé aux États-Unis sur leur site un service d'achat de cartes cadeaux qui offre présentement uniquement des cartes cadeaux iTunes. Ah, OK. Donc, à même le site de PayPal, on peut, comme pour dépenser, on sait que transférer la balance PayPal vers son compte de banque, il y a des frais là, de 3$ quand c'est moins de 175-200. OK. Donc là, on pourrait utiliser directement la balance pour acheter une carte cadeau iTunes au lieu de trouver un détaillant là, qui nous permet là, d'utiliser la balance. C'est disponible aux États-Unis seulement là, présentement. Donc, peut-être que ça va faire le chemin jusqu'au Canada, là, éventuellement. Une chose qu'il faut se rendre compte, là, c'est sûr que des cartes cadeaux, mettons à 40$ pour une valeur de carte à 50$, c'est le fun. Tu fais ton achat, puis mettons que tu as un logiciel à t'acheter là, à 50$. Bon, bonne idée. Sauf que le 50$ que tu viens de donner à quelqu'un en argent sonnant et trébuchant contre une carte cadeau, il fait de l'intérêt, tu sais, puis pas toi. Fait que c'est à y réfléchir. D'ailleurs, je pense qu'on a une nouvelle. Je suis passé par-dessus. Je pense pas, mais parlant d'argent sonnant et trébuchant, on peut. Une petite news qui est sortie cette semaine, on peut maintenant faire des dépôts de chèques. À la caisse, pas à la caisse, mais à la banque, c'est IBC. Ouais. Il y a plusieurs. C'est quelle banque aussi qui offre ça? ING Direct. ING Direct, là. C'est eux autres qui ont commencé. Puis après, il y a CIBC qui a suivi. On peut prendre une photo. On avait parlé là, justement quand ING avait lancé ça. On prend simplement une photo du recto et du verso d'un chèque avec l'appareil photo d'un téléphone intelligent. Et puis, c'est déposé automatiquement dans notre compte là, après le même délai là, que si on l'aurait déposé au guichet automatique, mm-hmm. là, par exemple. On imagine que les autres banques là, vont suivre. Là, moi, j'ai un compte chez TD Bank aux États-Unis, puis ils l'offrent sur leur plateforme. Donc, aux États-Unis, ça fait déjà un petit bout de temps que la plupart des endroits... C'est presque étonnant que TD Canada Trust ne l'offre pas ici au Canada encore. Là, surtout s'ils l'offrent aux États-Unis, ils ont la licence pour utiliser là, le programme là, qui est fait par NCR, je crois. Mm-hmm. Ça va venir. La même chose avec Scotiabank qui a acheté ING Direct au Canada là, récemment. Là. Ah, c'est Scotiabank qui a acheté ING? Ah oui. Ouais. Et là, ça va s'appeler Tangerine. Ah oui. Ouais. Parce que ING Direct, c'était pas très accrochant. Oui, mais Tangerine, ça fait pas très, très institution financière, me semble. Opinion personnelle. Ouais, c'est pas qu'ils ont dû acheter. Ils ont dû acheter les actifs. Ils ont pas dû acheter le nom. Là. C'est international, là, quand même, ING. Là. Ils veulent garder la même couleur. Là. Tangerine, ça leur donne une excuse pour laisser ça orange. Pis, Ah oui, OK. Ouais. Pas trop à dépenser pour la couleur puis le rebranding et tout ça. Sur MacG cette semaine, il y avait un petit article qui était assez intéressant parce que, c'est sûr que la miniaturisation des appareils, à un moment donné, fait qu'il y a des choix cornéliens, et c'est pas pour plugger mon nom de famille, mais il y a des choix cornéliens quand même à faire, autant dans un iPad sur lequel on a enlevé 400 grammes que sur un ordinateur sur lequel on a enlevé près de 2 livres au niveau des rétinas. Mm-hmm. Et on expliquait en fait pourquoi la mémoire était soudée sur les MacBook Pro Retina. Ça l'est depuis que le MacBook Pro Retina est sorti. Je pense que les MacBook Air aussi, on ne peut pas changer la RAM dedans. Et c'est que Apple utilise une RAM spéciale, en fait. C'est pas des barrettes, mm-hmm. c'est vraiment de la RAM qui est mise dessus. Et c'est... Ben, tu l'as dit, ça sauve du poids, ça sauve de l'espace dans la machine pour les rendre plus minces. Puis ça sauve des coûts de composantes aussi. Ça réduit la consommation aussi, semble-t-il, aussi, parce que c'est pas une... connexion, c'est comme directement soudé. Donc, oui, il y a des gens qui vont... Tu sais, le choix est plus facile en se disant « Dans 3 ans, ils seront obligés de changer! » les evil de Apple dans leur nouvel OVNI. Mais au prix où est le RAM, justement, aujourd'hui, là, c'est préférable de se prendre justement une machine qui en a déjà un peu plus que ce dont on a besoin pour prévoir, justement, d'ici 2 à 3 ans, là, les besoins. C'est vrai. Mais bon. Par contre, on est rendu à des machines qui, de base, Apple vend à 4 gigs actuellement. Il est fortement recommandé de monter à minimum, je vous dirais, 8 gigs. Mm-hmm. Quand on parle de 16 gigs, là, ça commence à être plus pour du montage vidéo. Oui. Puis 16, 24, 32, il semble qu'il y a des gens qui voient la différence. Okay. Puis cette semaine, j'ai eu des échos d'un formateur de l'INIS, justement, qui fait « Garde, rendu là, là c'est autre chose, mais ça fait pas tant de différence. » Mais ce qui va faire aujourd'hui que votre ordinateur, vous allez vraiment avoir une différence, c'est si vous faites le choix de passer à un disque SSD mm-hmm. versus un disque à plateau standard. Petite Donc, parenthèse, si je peux vas-y, me permettre. Vas-y. J'ai fait le switch dans la PlayStation 4 que j'ai acheté. J'ai mis pas un SSD. Un hybride. Oui, j'ai mis un hybride parce que sinon le disque... Parce qu'il était 109$ sur Amazon. Ben, il était 119$ au coin de chez nous. Okay. Fait que ça ne me tentait pas d'attendre. Correct. Puis c'est ça. Parce que sinon, un disque SSD tout court, là, ça coûte plus cher que la console pour avoir la même capacité ou un peu plus. Fait que je suis passé à 1 teraoctet avec un disque hybride. Puis déjà, la console démarre plus vite. Les jeux démarrent un peu plus vite aussi. Fait qu'il y a un gain en vitesse, là. Puis il y a un features. Tu peux commencer à jouer tout de suite à ton jeu oui. quand tu le mets dans la PlayStation 4, mais le jeu est peut-être ralenti. Faut que tu le laisses là 1h30. Il y a comme une installation en background qui oui, se fait. Oui, c'est ça. Faut qu'il y ait un certain pourcentage du jeu qui soit installé, là, okay. Quand tu... Mais un coup que l'installation est lancée, je pense, mettons, si tu as 20% du jeu, ou ça doit dépendre des jeux, évidemment, tu peux commencer à jouer au jeu, mais éventuellement, je sais pas, ça peut peut-être poser problème dans certains jeux. Là. Puis c'était fait pour qu'on puisse remplacer facilement le disque dur à l'intérieur? Oui, okay, c'est intéressant. Vraiment facile à faire comparé à une Xbox One là, qui n'est pas faite pour ça. Là. Mais vraiment, tu défais la moitié du panneau. Tu défais une vis, puis le petit boîtier de disque dur sort tout seul. Puis là, tu as 4 vis enlevées, deux vis de chaque côté du disque dur. Tu changes, tu le remets dedans, puis ben, il faut télécharger le système d'exploitation sur le site de Sony. Puis tu branches une clé USB dans ta PlayStation. Puis après ça, tu vas dans le menu pour... en tout cas, je l'ai expliqué sur mon blog. C'était pas pour plugger ça, mais... c'est quoi l'adresse simple que j'aille lire ça? C'est letechnophile.net. OK, cool. Mais non, mais sérieusement, c'est vraiment... C'est tellement simple qu'en le faisant, j'ai dit, ah, je vais prendre des photos puis je vais faire un article là-dessus parce qu'il faut que les gens sachent à quel point c'est simple. Comment ça peut être fait? Puis le but, la raison pour laquelle toi, tu as changé le disque dur, c'est pour pouvoir installer plus de jeux ou... Ouais, ben c'était pour... Là, on parlait de prévision à moyen et long terme au niveau du RAM, mais là, moi, je faisais le parallèle avec le disque dur. C'est qu'étant donné, justement, que là, on est rendu avec des connexions Internet, comme là, chez moi, j'ai fibre avec, à 50 mégabits. Là, au lieu de me déplacer, aller acheter un jeu, je vais le télécharger. Puis à coût de 20, 30, 40 gigs pour les gros titres, un 500 gigs, ça se remplit assez vite. T'sais. Donc, j'ai dit, je vais monter ça à 1 téraoctet, puis je n'aurai pas à... Parlant de fibre, je l'ai fait installer à la maison. Mm-hmm. Les gens de Bell, ça fait à peu près 6 mois qu'ils se promenaient à Pointe-Calumet, puis je l'ai fait installer. Puis le gars, il me dit, bon, ben c'est tel prix. Je dis, OK, tu sais, puis c'est pas des contrats. Tu peux lâcher au bout de 6 mois ou whatever. J'avais fait installer le 175 pour les 2 premiers mois. Après ça, j'ai appelé, j'ai fait descendre ça à 50-50. Ça va vite en tabarouette. Oui. Mais la différence quand tu descends à 50, elle est pas... c'est pas si incroyable que ça. Là, non, t'sais. C'est ça, parce qu'à un moment donné, les serveurs ne suivent pas de toute c'est façon. Ça, c'est rare que des serveurs qui servent des pages web les servent à 50 mégabits par seconde. C'est là, oui, mais moi, je parle plus d'iTunes.vidéotron. iTunes.vidéotron.com, cette place-là. Là, tu sais, bon. Le Netflix de chez mes amis. Là, oui, c'est ça. L'endroit obscur. c'est ça. Ça allait vite, puis je les ai rappelés 2 mois plus tard. Je leur ai dit, ben je vais descendre à 50-50 parce que j'aimerais ça pas cher, avoir à vendre mon rein. Tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis j'ai gardé comme le illimité puis tout ça. Mais Moi aussi, j'ai pris illimité parce qu'il y avait la promo 10$ par mois là, au lieu de 30. Fait que... Voilà. Il l'offre d'ailleurs dans mon quartier. On a reçu une publicité cette semaine. On avait déjà le fibre jusqu'au quartier. On avait fibre TV, là, puis les vitesses d'Internet comme 50-10 ou 30-10. Okay. Mais là, maintenant, il l'offre jusqu'à la maison. Là, on peut avoir là, les vitesses 50-50, puis 175-175. Ce qui est tenté. Ben, ce qui est impressionnant avec ça. Moi, je veux que le gars qui est venu faire du porte-à-porte au début de l'été revienne chez nous, puis qu'il m'avait dit fais un test de vitesse. Je suis sûr et certain que tu n'as pas la vitesse pour laquelle tu payes, mais que je dépassais la vitesse. Puis qui m'avait promis là, un an gratuit, là, mais que finalement, je ne l'ai jamais eu. Tu le verras jamais. Ah. Il a vu ça, puis il a dit ça se peut pas, puis il est parti. Et même au service à la clientèle de Bell, faites attention à ce qu'on vous promet. Parce que si on vous dit, ah oui, vous allez voir dans 6 mois, ou si on vous fait un spécial pour 6 mois ou 12 mois, oui, inquiétez-vous pas, vous nous rappelez 1 mois ou 2 avant, puis on vous le renouvelle. Ne faites pas ça. Faites-le renouveler automatiquement avec un numéro de confirmation de commande. Oh, OK. Parce que dans 8, 10, 12 mois, comme par hasard, le spécial n'existera plus dans le système. Ça m'est arrivé. Okay. Donc, maintenant, j'avertis tout le monde. Si on vous promet quoi que ce soit, vous dites, si vous êtes en mesure de le réactiver maintenant en date du renouvellement avec un numéro de confirmation, d'accord, sinon, ben. Oubliez ça. On entend tellement de mauvais commentaires pour le service à la clientèle de Bell. Mais j'avais pas de problème jusqu'à temps que ça arrive. Mais je me suis fait promettre 2 fois des trucs, puis j'avais pas moyen de vérifier. Puis c'est quand c'est arrivé au moment de dire, bon, ben j'ai tel numéro d'employé à telle date qui m'a dit ça parce que je notais tout. Ils m'ont dit, je suis désolé. Ben j'ai dit, je veux porter plainte contre ces 2 employés-là. Et j'ai porté plainte parce qu'ils te promettent n'importe quoi. C'est vraiment ça, mais... Ils veulent vraiment leur cote, puis c'est comme, c'est pas grave, on va recevoir une plainte, mais sur le nombre de personnes qu'on va pogner, on s'en fout. Donc, on vous recommande, en fait, de faire ça, de porter plainte. Oui. Quand on vous promet mais quelque chose. Au départ, faites-vous donner un numéro de confirmation de commande pour la réactivation d'un rabais quelconque. Moi, quand je parle à quelqu'un du service à la clientèle, là, j'ai Evernote d'ouvert à côté avec comme 8 tags, tu sais, prêts à faire la recherche. OK, c'est quoi ton nom? Ton nom de famille? Tu fais la recherche sur la personne? Non, je ne fais pas la recherche sur la personne. Je vais juste marquer après. Oui, c'est ça. Je vais donner son ami Facebook. Puis si je n'ai pas ce pourquoi tu m'as dit, check bien, ça va mal aller. Faut pas avoir peur de se plaindre. Non. Ah, ben non. Oui, il y en a... il y en a qui trouvent que je chiale trop, puis qu'à chaque fois que je suis mal servi à quelque part, ils me disent « Ben, plains-toi pas pour ça, ça n'a pas d'allure. » Non, mais... C'est parce qu'ils s'amélioreront ils vont pas. Ils vont continuer à servir les gens comme ouais. ça si je dis rien, puis je préfère contacter la compagnie ou bien écrire un review en ligne. D'ailleurs, regarde, je suis revenu de vacances, on a couché une nuit à Burlington avant de prendre l'avion. Le Wi-Fi ne fonctionnait pas à l'hôtel. Je lui ai écrit un review sur TripAdvisor, je les ai ramassés de A à Z. Le manager m'a contacté, on retourne en janvier, mais on sauve 50% sur notre nuit en janvier, puis on va avoir une suite pour 50% du prix de la chambre régulière qu'on aurait eue. Excellent. Ben désolé, mais voilà. L'employé a mal géré la situation. J'ai pas dit, là, j'aime pas la couleur de la chambre. Non, le Wi-Fi marche pas, va resetter le routeur. Non, il a pas voulu. Ah, mais je connais pas ça, moi. Ouais, c'est ça. Le bureau de la concurrence qui approuve l'achat de Public Mobile par TELUS. Pourquoi on parle des... Pourquoi on parle... De... C'est plate, là, ça fait un joueur de moins, là, mm-hmm. ça c'est clair. Est-ce que Public Mobile offrait les iPhones? Non, c'est un réseau CDMA, un Public Mobile encore. Ah, prochaine okay. nouvelle. Oui, c'est ça. Il y a Wind, par contre, qui offre une promotion en ce moment pour Bring Your Own Device. Oui, Wind, qui est un réseau AWS, donc les plus récents iPhones sont compatibles avec le réseau, puis il offre... Un rabais de 400 $. C'est 500 $ de crédit okay. wow. réparti sur 12 mois. Pour apporter un iPhone sur le réseau de Wind Mobile en Ontario et ailleurs au Canada, pas au Québec, là, bien sûr, ils ne sont pas ici. Fait que c'est pour permettre aux gens qui sont presque au bout de leur contrat de dire bon, ben si je veux, je pourrais prendre le hit de payer le ce qu'il faut que je paye pour m'en aller de telle compagnie puis aller à l'autre. Et il me semble, en fait, que les prix étaient intéressants. Ils ont du data illimité. Oui, c'est du illimité. Puis tu peux payer... ils vendent des blocs de data en tethering ou en partage. Okay. Mais le data, à la base, est illimité. Là, un peu comme T-Mobile offre aux États-Unis. Est-ce que c'est un réseau LTE ou 3G? C'est 4G. C'est pas LTE. Là, c'est comme Vidéotron. HDSPA. Off, là, HSPA plus. C'est ça. Mais tu parles de data en tethering. Normalement, nous, on peut faire ça du tethering. Ouais, mais parce que l'option est illimitée. Ils contrôlent, ils veulent que ce soit juste sur l'appareil, mais tu peux acheter pour comme. Je sais que Public Mobile offre ça. Tu payes comme peut-être 15 $ de plus par mois, puis là, tu as accès à 3 gigs de data là, en tethering. OK, OK. Ouais, parce que sinon, tu prends le truc illimité et puis... tu feed tes voisins avec un iPad qui tient 24 heures. En parlant de data illimité, j'ai vu ça passer. J'écoutais une émission sur Hulu l'autre jour, puis il y a des publicités. Il y avait une publicité de T-Mobile qui vantait un nouveau service qu'il offrait. T-Mobile aux États-Unis ne charge plus de frais d'itinérance pour le data et les messages textes à l'étranger. Ah. C'est très intéressant. Puis wow. j'ai vu passer ça vite, puis j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas, il doit y avoir une pogne à quelque part. Mais non, c'est vrai. Quand tu as une option de data illimité, tu ne payeras pas d'itinérance sur le data et les messages textes utilisés à l'étranger sur le réseau de T-Mobile. Puis dans plusieurs pays, dont le Canada, c'est à peu près dans peut-être 60 pays à travers le monde. Ah, ouais. Ben, on va s'acheter un téléphone T-Mobile. Ils contrôlent ça. Je l'ai vu venir. Je me suis dit, mais voyons donc, je vais m'abonner à T-Mobile. Ouais. Au pire. Mais ils contrôlent. Il faut vraiment que ça soit occasionnel. C'est peut-être une semaine par mois. Là. Mais okay. s'ils voient que les 30 jours, tu les utilises en itinérance, là, ils vont se douter quelque chose. Puis c'est juste le data et les messages textes, pas la voix. La voix est encore facturée ouais, là, peut-être à 25 cents la minute. Ouais, c'est ça. puis ton numéro de téléphone, il est comme dans le... À Chicago, bien... Ouais. C'est pas important, ça. Ouais. T'as juste à avoir des minutes interurbaines. De NextWeb, en fait, qui allait d'un petit article à propos des parts de marché. Windows 8, actuellement, qui tombe à 6,66% de parts de marché, avec Windows 8.1 qui a monté à 2,64%. Combiné... on atteint à peine le 9,3% pour un système d'exploitation qui a quand même, c'est quoi, un an? Oui, à peu Windows près. Ben, c'est le plus récent. C'est ça, c'est censé être... Il est sorti fin octobre l'année dernière. Toi, t'es pogné avec ça, là. Tu vis là-dedans? Oui, mais ouais. C'est vraiment par besoin. Là, mais... OK. Mais Windows 8, ça fonctionne très bien. 8.1 aussi, là, ils ont mis des belles améliorations. Mais ils ont mis un bouton qu'ils avaient enlevé comme important. Non, ça, c'est ridicule. Là. C'est pas important, ce bouton-là. Non. Tu as la touche Windows, comme mettons la touche pomme là, sur ton clavier ouais. Mac. tu pèses sur la touche Windows et le fameux menu démarrer, que les gens ne sont pas capables de faire le parallèle avec l'ancien menu démarrer que tu avais. Il fallait que tu cliques, là, tu ailles dans mes programmes, après que tu ailles dans la liste du programme pour essayer de trouver l'icône que tu voulais. Là, tu as un beau menu graphique avec des belles grandes tuiles animées. C'est super beau et pratique. Tu peux les réorganiser comme tu veux, à la grandeur que tu veux ou presque. Il y a comme 3 formats. Et les gens n'aiment pas ça. Le message à Microsoft, c'est trop. Déjà, Stéphane vient de faire une meilleure job de me l'expliquer que comme la flotte de PR de Microsoft. Même chose pour les premières fonctionnalités du Xbox One qui nous ont été très, très mal expliquées par Microsoft. Fait que, tu sais, engagez-le, qui disait. Je charge pas cher, non, c'est pas vrai. Oui, mais, cher. Tristement cher. Fait que toi, t'es satisfait du système d'exploitation? Oui, oui. Windows 8. Bon, évidemment, on ne parlera pas de Vista, là, qui est comme un millénium des années 2000. Oui, c'est ça. De 2006. Toute façon, une version sur deux chez Microsoft, c'est sur pas bon. Trois. Et le syndrome s'est passé à Apple. Si 10.7, c'était pas fort, puis 10.9. Bon, c'est sûr qu'ils vont le mettre à jour. Si on se fie aux statistiques de l'article de The Next Web, il y a plus d'utilisateurs de Windows Vista que d'utilisateurs de Windows 8.1. Comment ça se fait? Non. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, Windows Vista, son gros problème, c'était juste qu'il... Il bouffait beaucoup de ressources à cause d'Aero puis toutes les bells and whistles qu'il avait mis. Là. Mais puis tout le monde chialait contre le User Access Control. Là. Voulez-vous vraiment faire ça? Êtes-vous sûr que c'est vous? Tu avais une case à décocher puis ça t'achalait plus. Ouais. Là. Mm-hmm. Fait que moi, j'avais enlevé ça. J'avais désactivé Aero. Puis ça, j'ai jamais eu de problème avec Vista. Mais c'est parce que c'est des options qu'il faut aller décocher. Mais c'est opt-out. Fait que ben ouais, c'est ça. C'est opt-out, fait que les gens sont pas habitués puis ils comprennent pas comment ça marche puis ils restent pris avec ça puis ils sont pas contents. Windows 8, c'est la même affaire, le fameux menu démarrer, c'était horrible le menu démarrer, c'était mal organisé, c'était laid. Là maintenant c'est beau, mais les gens se disent oui, mais mon écran est pas tactile, il y a pas besoin d'être tactile. Moi j'ai toutes mes belles applications là que j'utilise le plus souvent qui sont bien placées. Je fais la touche Windows sur mon clavier puis je vais cliquer sur l'application que je veux démarrer puis j'ai pas je trouve problème. Ça bien mieux que l'ancien menu démarrer. C'est un gros pas en avant, mais les gens le voient pas comme ça. Puis là, ils disent, il est où mon bouton? Mais t'en as pas besoin de bouton, t'as un clavier après ton ordinateur. Puis s'il est tactile, ben t'as la touche, le petit logo Windows dans le bas de ta tablette. Ben, ça reste quand même un podcast Apple, mais si ouais. Tu as du temps supplémentaire, je pense que Maxime Tremblay veut partir un podcast Windows. Parfait. Prends ça en note. Ah, 2014. Je n'ai pas de temps, malheureusement. Non, j'ai ça. Déjà le mien, mon podcast. Excellent. Ça faisait le tour cette semaine des nouvelles du côté de Apple. On vous laisse avec la chronique de FDL et on revient avec nos découvertes tout de suite après. Salut Mac Québec, ici FDL, de retour au micro du podcast après une absence de plusieurs mois, dont je m'excuse d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de parts de marché. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là? Parce qu'il y a des informations un peu alarmistes qui ont circulé au cours des dernières semaines et qu'il faut, selon moi, remettre les pendules à l'heure. D'abord, la source de ces informations un peu alarmistes-là, c'est que lors du dernier appel aux investisseurs et aux analystes financiers à la fin du dernier trimestre, on a appris que la part de marché du iPad avait chuté sous les 30 % alors qu'elle était à 40 % au même trimestre l'année précédente et autour de 90 % à la fin de 2010. Mais ça, c'est des chiffres qui veulent pas dire grand-chose. D'abord, pourquoi une baisse par rapport à l'année précédente? Ben, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau iPad au cours du trimestre qui a terminé au mois de septembre. On les attendait en octobre-novembre et c'est ça qui est arrivé. Donc, les gens retenaient leurs achats jusqu'à l'arrivée du iPad Air et du iPad mini avec écran Retina. C'est normal que les parts de marché aient baissé à ce moment-là parce que les gens n'avaient pas envie d'acheter un appareil qui allait être désuet immédiatement. Pourquoi est-ce que on devrait pas s'inquiéter non plus de se retrouver autour de 30 ou 40 % par rapport à ce qui était le cas il y a 2 ou 3 ans où on avait une domination complète du marché de la part des produits d'Apple? Ben, tout simplement parce que cette domination-là, elle était instable, elle était insoutenable, c'est évident. Pourquoi Apple avait 90 % du marché en 2010? D'abord parce qu'ils sont arrivés en premier, parce qu'ils sont arrivés avec un produit qui était nettement supérieur. On se rappelle que le premier iPad fonctionnait et il y avait une autonomie de 8 à 10 heures, tandis que les premières tablettes Android fonctionnaient tout croche. Les premières tablettes Windows 7 à l'époque avaient de la misère à durer 2 heures et pesaient une tonne. Bref, il n'y avait pas vraiment de compétition possible. On ne pouvait pas s'attendre à ce que ça dure. D'autant plus que le iPad à ce moment-là avait un avantage au niveau des prix, ce qui arrive à peu près jamais avec les produits Apple. Pourquoi ils avaient un avantage au niveau des prix? Parce qu'Apple avait acheté à l'avance à peu près tout ce qui se faisait dans le marché en termes d'écran tactile. Les autres compagnies avaient toutes les misères du monde à s'approvisionner avec des écrans de plus mauvaise qualité et qui leur coûtaient plus cher. Donc, évidemment, ça pouvait pas durer. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où Apple est revenu à son modèle d'affaires traditionnel, c'est-à-dire d'avoir des produits de haut de gamme, de très bonne qualité, mais relativement chers quand on compare à ce qu'on peut trouver ailleurs, parce que Apple ne fait pas de produits d'entrée de gamme de qualité médiocre. Un autre aspect de la part de marché qui vaut la peine d'être mentionné, c'est la part de marché des appareils en service, c'est-à-dire pas seulement ceux qui viennent d'être achetés, mais ceux que les gens possèdent depuis un an, deux ans et qu'ils utilisent encore régulièrement. Dans ce domaine-là, iOS est encore dominant avec autour de 55 % des appareils en service. C'est une proportion qui est relativement stable depuis le début de l'année. Du côté d'Android, il y a une croissance relativement rapide depuis le début de l'année. Et les autres, ben, ils sont en train de disparaître. Donc, il n'y a pratiquement plus personne qui utilise un appareil BlackBerry. Windows Phone a toutes les misères du monde à s'établir, etc. Donc, du côté d'Apple, on est peut-être un peu victime de notre succès. Les gens achètent moins de nouveaux appareils parce qu'ils sont encore satisfaits des appareils qu'ils ont déjà. Pour les investisseurs, c'est moins le fun. Pour les utilisateurs, c'est la preuve que les appareils fonctionnent bien et qu'on en est raisonnablement satisfait. Maintenant, quelle sera la stratégie d'Apple en matière de part de marché au cours des prochains mois et des prochaines années? Ben, en Amérique du Nord, selon moi, du moins, ce sera une stratégie de stabilité. Parce qu'aller chercher de la croissance, ça va être extrêmement difficile. À peu près tout le monde qui peut être intéressé par un téléphone intelligent en a déjà un. Ça va être difficile d'aller voler du monde chez BlackBerry parce que tout le monde est déjà parti de chez BlackBerry. Tout ce qu'il y avait à voler est déjà fait. Ça va être difficile d'aller chercher du monde chez Windows Phone parce que c'est une très, très petite part de marché et que les nouveaux appareils Lumia sont intéressants. Ça va aussi être difficile d'aller voler du monde chez Android, surtout que les gens maintenant sont habitués à l'écosystème. Ils ont des fois des appareils depuis 2-3 ans. Et s'ils magasinent en ce moment pour changer de téléphone, ben, ils peuvent trouver un Nexus 5 pour la moitié du prix d'un iPhone 5S. Donc, ça serait extrêmement difficile de les convaincre de changer de camp. Par contre, quand on a une part de marché de 55 % des appareils mobiles en service, on peut s'en servir pour aller gagner de la part de marché ailleurs. Et le ailleurs en question, c'est peut-être dans le marché de l'ordinateur personnel. Parce que présentement, les Macs ont quand même une part de marché modeste, autour de 10 % depuis plusieurs années. Il y a donc place à beaucoup d'améliorations. Et justement, ben avec Mavericks, on a vu que les applications iOS et les applications Mac commencent à fonctionner exactement de la même manière. Pages, Numbers, maintenant, sont 100 % compatibles. Il n'y a plus les petits problèmes qu'on avait auparavant. Ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, passer de un à l'autre devient extrêmement facile. Les gens qui achètent des nouveaux appareils iOS reçoivent toutes ces applications-là gratuitement, s'y habituent. Et lorsqu'ils vont vouloir magasiner pour un nouvel ordinateur, vont peut-être se dire, ben, pourquoi pas passer à un Mac alors qu'on aura exactement la même fonctionnalité ou en mieux, mais d'une façon qu'on connaît déjà. Donc, à ce moment-là, iOS pourrait devenir une espèce de cheval de Troie pour convaincre les gens d'adopter Mac comme ordinateur de bureau ou comme ordinateur portable et peut-être aller gruger des parts de marché et aller chercher encore plus d'argent de ce côté-là. Les écosystèmes, c'est vraiment ça l'avenir. Et je pense qu'Apple l'a compris. On verra bien d'ici l'année prochaine si j'ai raison. En attendant, je vous souhaite des très joyeuses fêtes. Ici FDL pour Mac Québec. Mac Québec, le podcast. On remercie François-Dominique Laramé qui est revenu gracieusement nous faire des capsules. Vous pouvez l'écouter sur le podcast L'épée légendaire avec Maxime Tremblay, donc aussi membre de RZO Web. Deux gentlemen. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est le titre que je donne souvent à Maxime, le gentleman's web. Ah oui, bon, c'est mérité. Oui, tout à fait. On va passer en fait aux découvertes des applications. En fait, on a brûlé pas mal de ce qu'on avait dans la catégorie. Ça va être un segment découverte thème domotique aujourd'hui. Oui, effectivement. c'est TechCrunch qui a sorti un article, en fait. Si on veut un petit peu la domotique, là, ça existe depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est des trucs qui coûtent très, très cher à mettre en place ou qui coûtaient très, très cher à mettre en place. Qui étaient complexes aussi. Oui, c'est ça. Et maintenant, on a de plus en plus des appareils qu'on peut rajouter tranquillement. Ben, c'était surtout complexe parce que ça coûte encore cher. Oui. mais il y avait des systèmes, là, c'était pas convivial là, du tout. Il fallait vraiment connaître ça ou bien être technicien spécialisé là, dans ça. C'est quelqu'un qui vient te l'installer, ouais. Ça coûte une beurrée, puis il fallait que tu aies l'argent. Alors que là, c'est un peu plus accessible aux gens avec les nouvelles technologies. Puis TechCrunch a quand même sorti un article qui fait un peu le tour, pas de tout ce qui se fait, mais de pas mal de choses. Ça commence avec le Nest, le Learning Thermostat. C'est un appareil qui est assez intéressant, quoique je ne traite pas assez sur la température pour vraiment me dire que je vais m'acheter un thermostat à 250$. Non, mais t'aimes le design des produits Apple. Ça, c'est un méchant beau design. C'est tout à fait un beau design. Moi, je regarderais combien il fait dans la maison chez nous au moins 20 fois par jour. La raison est simple, c'est que les gens qui ont parti de Nest, c'est des anciens de chez Apple, des gens qui sont partis de chez Apple qui ont décidé de faire ça. C'est vrai qu'il faut aimer régler la température là, chez nous. Moi, je ne sais pas. Là, moi, le thermostat, je le monte. Là, je me sens un peu épié. Je vais monter le thermostat. Non, mais le Nest, l'avantage, c'est qu'il apprend à apparemment, il détecte quand tu es là ou quand tu n'es pas là. Puis il apprend aussi justement de tes habitudes ou quand tu modifies des programmes, à un moment donné, tu n'as plus à le faire parce que lui, il apprend à gérer. Évidemment, bon, tu peux faire des petits ajustements ici et là. Mais c'est un thermostat intelligent, supposément. Là. Ouais. Moi, j'aimerais juste qu'on se rende compte que plus on permet aux machines de prendre des données, plus à un moment donné, ils vont faire « Hey, les humains, c'est des tabarnouches. » C'est ces habitudes de changer la température. Moi, j'ai l'impression qu'ils me niaisent. Fait que je vais parler au iRoomba, puis je vais dire « Va donc le réveiller dans la nuit là, pour comme l'énerver. » Puis ça va commencer, Skynet. Ouais. Fait que... ça va s'appeler Skynest. Oui, c'est ça, Skynest. Excellent. La compagnie, en fait, n'est pas restée assise sur ses lauriers parce que le Nest en est à sa deuxième version actuellement. Il a été pas mal amélioré. C'est effectivement un produit qui est très beau, mais la compagnie vient tout juste de sortir le Nest Protect, qui est en fait, ils ont réinventé le thermostat. Et là, ils réinventent le détecteur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone qu'ils mettent dans un même appareil. Et en fait, il y a la fonction... Un avis vocal. Non, mais en fait, c'est la fonction automatisation du linge à nettoyer la vaisselle, à l'essuyer la vaisselle que tu fais aller en dessous de ça. Donc, ça, c'est génial, mais c'est ça, tu fais juste aller ta main désactiver. Non, c'est cool, on n'est pas en train de mourir. Puis il check, puis il fait OK, c'est correct, mais je vais arrêter. Je parlais de l'avis vocal. Il y a un avis vocal, justement, pour t'avertir. Attention, il y a peut-être quelque chose dans le salon, parce que tu nommes tes trucs en anglais, évidemment. Puis, avant de sonner là, et de te réveiller au beau milieu de la nuit, tu vas entendre la voix dire ça. Ben, pendant la nuit, c'est tout aussi traumatisant d'entendre une voix, d'après moi, que d'entendre un signal de Wake détecteur. Wake up, Alex. You're gonna die. Mais je trouve que c'est peut-être moins, justement, drastique là, que de partir tout de suite le signal du détecteur de fumée en disant « Attention, il y a peut-être il y a de la fumée dans telle pièce. » Et alors que le thermostat est quand même 249$, l'appareil, en fait, le smoke detector et le détecteur de fumée, pardon, est 129$. Dès que c'est disponible, c'est pas disponible au Canada en ce moment. Ah, OK. Mais dès que ça l'est, moi, je m'en achète 3. Ah oui? Oh, oui. J'ai un détecteur de fumée électrique là, qui sont tous reliés. Puis quand il y en a un qui part, les 3 partent. Et c'est arrivé 2 ou 3 fois pendant la nuit à 2-3 heures du matin. Je peux-tu te dire que descendre jusqu'au sous-sol, fermer le breaker, là, c'est non. Donc, dès que ça traverse ça, c'est ça que je mets dans ma maison. Excellent. Donc, c'est recommandé par le technophile. Ensuite de ça, on a les Philips Hue. On en a déjà parlé à l'émission. C'est quand même... Le prix d'entrée est quand même assez élevé pour des ampoules électriques. On parle de 199$ avec l'espèce de hub qui est un point d'accès, en fait. Oui, c'est ce qui communique. Exactement. Tu veux te faire une soirée disco là, chez vous, c'est parfait. Ça. Tu peux contrôler l'éclairage. Oui, mais tu peux ne pas vouloir te faire une soirée disco puis économiser 199$. Non, mais il y a des situations, comme par exemple, quand la lumière est plus froide, quand la lumière est plus bleue, c'est plus facile de se concentrer quand on fait quelque chose. Mais pour se détendre, comme dans un salon, tu mets la lumière plus jaune, plus chaude un petit peu là, quand tu écoutes un film. Puis tu parles du prix d'entrée, sauf que tu économises sur l'électricité en bout de ligne. Là. Oui. Fait que peut-être qu'au bout de quelques années, parce que ça dure beaucoup plus longtemps qu'une ampoule ordinaire à filament. Fait que peut-être qu'au bout de, tu sais, au lieu de durer 1500, 2000 heures, ça, si ça dure 20 000 heures, ben, tu rentres éventuellement dans ton argent. Là. Et le produit est quand même assez intéressant au niveau de son ouverture. Si je ne me trompe pas, on peut contrôler les Philips Hue sur IFTTT. Oui. Ouais. Puis, en fait, il y a un paquet de gens qui ont hacké, qui ont trouvé d'autres utilités. Mais je pense même qu'ils ont ouvert l'API où ils sont sur le point de le faire, mais d'après moi, c'est déjà fait. Là. On peut déjà les reprogrammer. Ah, si IFTTT a accès, là, probablement que ça doit être ouvert, ouais, c'est ou ça. Avoir un moyen là, de... Ils disent qu'il y a un paquet de third-party applications, en fait, qui sont disponibles. Un produit dont tu peux nous parler, Stéphane, en fait, parce que tu l'as à la maison, c'est le Belkin Wemo. Oui. En fait, c'est une plug de courant intelligente. Oui. Mais en fait, il y a deux sortes. OK. Il y en a trois, là, ce qu'on voit sur le site, là, mais moi, j'en ai deux. OK. Il y a justement la prise de courant intelligente qu'on branche dans... Le Wemo Switch. C'est ça. Et ça, ben, il suffit de le programmer par son application. Là, et on peut aussi utiliser IFTTT okay. pour parler à sa prise intelligente. Et comme là, c'est ça, moi, j'ai décidé que j'ai une lumière qui s'allume au moment du coucher du soleil. Ben, c'est à peut-être 10 minutes. Il ne faut pas mettre l'éclairage principal là-dessus si on le base sur le coucher du soleil parce qu'il peut faire noir pendant 10-15 minutes à la maison. Ouais. Mais c'est super intéressant. C'est ça, on peut s'en servir avec son téléphone. On peut dire, je vais allumer tel truc, l'éteindre. Il y a aussi un interrupteur qu'on peut remplacer tout simplement, un interrupteur sur le mur. Okay. Puis là, on peut décider, on n'a pas besoin de se lever. On allume ces lumières de la pièce à distance. Depuis le iPhone. Depuis l'iPhone. C'est juste le commutateur mural. Il est combien, lui? Il est 50$? Le commutateur mural, je ne sais pas. La prise, elle, est 50$. Okay. Le commutateur mural, je ne me souviens pas, mais c'est pas beaucoup plus cher, je pense. Puis l'autre, il fonctionne avec un détecteur de mouvement. Je pense que tu peux brancher un moniteur pour bébé ou en tout cas des trucs du genre. Puis c'est ça, le détecteur de mouvement fait en sorte que dès que tu rentres, mettons, chez toi, ben là, ça va activer ta switch, donc tu allumes tes lumières ou tel appareil, ton système de cinéma maison avec une musique pour annoncer ton retour triomphal à la maison. Est-ce que ça prend une espèce de hub central ou un genre de routeur spécial comme les Mario? Non, ça se connecte directement. Ça se connecte directement par l'application. Tu les programmes un à un et ça se fait super simplement. Okay, c'est juste l'application là, qui peut. Okay. Ça se connecte par Wi-Fi, Bluetooth? Ça se connecte par Wi-Fi. Okay. En fait, même c'est ça, tu peux le passer. Ben, je ne l'ai pas testé, voir si je pouvais y accéder, mettons, par cellulaire. De l'extérieur. Mais je pense que oui, on peut le faire à partir de... Je pourrais être à distance et dire, ah, j'ai oublié d'allumer ma lumière chez nous, je suis parti en vacances. Mm-hmm. Là, j'allume ma lumière à distance. C'est là où la domotique prend tout son sens aussi. Là. Mais pour le prix, quelqu'un qui veut s'amuser justement à découvrir un peu la domotique, là, moi, c'est le genre de truc que je recommande. À 50$ pour une Switch, on peut avoir des heures de plaisir. Excellent. Un projet Kickstarter, en fait, qu'eux proposent, ce qui se passe, en fait, c'est que tout ce qu'on vient de vous nommer fonctionne avec des applications indépendantes. Et là, il y a des gens qui se sont dit, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, là, on va être comme mal pris. Tu sais, ta Wemo, tes Philips Hue, ton système Sonos, ils commencent aussi à avoir des serrures. Oui, ça m'étonne qu'ils n'en parlent pas là-dedans. Ben, dans les commentaires plus bas, on leur fait la mention. Okay. Mais il y a des projets Kickstarter qui sont des serrures. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y en a une qui commence à être vendue au Apple Store. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prêter temporairement des clés d'accès pour un certain temps à des gens. Donc, t'es pas à la maison, papa peut ouvrir la porte de la petite qui vient d'y écrire un SMS, dire j'ai oublié mes clés à la maison, attends une minute, je t'ouvre, clac-clac, tout ça. Et le produit dont je vous parle, c'est le Revolve, qui est une espèce de hub pour tous ces produits-là, pour les avoir dans une seule application, puis programmer un peu tout ça. Donc, c'est le produit. En fait, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà tous les autres produits, mais ça, c'est ce que vous allez lui acheter. Le prix est quand même très élevé. On parle de 299$. En plus. Oui, c'est ça, en plus de tous les autres cossins. Donc, ça... T'sais, si vous avez l'intention de faire d'un coup de la domotique dans votre maison, peut-être de consulter une compagnie qui le fait à ce moment-là, parce que peut-être que ça peut vous revenir moins cher. Oui, acheter un système unifié, intégré ensemble, au lieu d'avoir les prises Belkin, l'entrée, la serrure faite par une autre compagnie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Google est en train de travailler sur des ampoules dans lesquelles ils vont simplement mettre une puce Wi-Fi. Mm-hmm. Ce ne sera pas aussi complexe, aussi gros, puis il n'y aura pas de changement de couleur comme dans le Hue, mais tu vas pouvoir y dire, ou il y a un détecteur de mouvement, il n'y a plus de mouvement dans la maison, il est 9h30, ben, ça veut dire que tout le monde est parti, mm-hmm. ferme toutes les lumières. Ouais. Il y a de plus en plus de compagnies de systèmes d'alarme aussi qui offrent ça, surtout aux États-Unis. Je sais que ADT l'offre, un système de domotique intégré au système d'alarme. Okay. Puis tu parlais de l'économie possible au niveau de l'électricité. On sait qu'avec les compteurs intelligents, qui viennent de nous installer. Mm-hmm. Puis on les appelle intelligents parce qu'ils vont se chercher 4 % de plus d'électricité utilisée là, par mois. Fait que c'est intelligent pour eux autres parce qu'ils font plus d'argent. Bien, des systèmes comme ça peuvent être encore plus intéressants. Ouais. Sinon, je ne sais pas si tu as eu la chance peut-être d'essayer la Sonos Play One. Ben oui, j'en ai deux à la maison. Oh, excellent. J'ai tellement aimé que je les ai achetés. Tu as tellement aimé la compagnie. Que... Ouais. Ben, en fait, j'ai testé la plupart des produits Sonos. Il y a juste le sub où j'ai eu une démonstration. Okay. Mais j'ai testé la Play Bar, j'ai testé le Play 3, le Play 5 et maintenant le Play 1 qui est sorti fin octobre. Okay. Et ces produits-là, ils sont géniaux, mais ils sont chers. Ça coûte un peu cher. Et c'est là où le Play One entre en ligne de compte. C'est vraiment un produit d'entrée de gamme, mais d'entrée dans l'univers de Sonos aussi. Okay. C'est 219 $, je crois, par unité. Mais il offre le fameux bridge, parce que pour installer un système Sonos à la maison, on a besoin d'un bridge qui est entre 50 et 60 $. Okay. Ça, on branche ça dans notre routeur et c'est le bridge qui va gérer, peu importe le nombre d'appareils Sonos qu'on a dans la maison, tout va passer par le bridge. Et contrairement, ce qui est le fun, c'est que le Sonos, on peut le contrôler par un iPhone ou peu importe, téléphone ou tablette d'à peu près toutes les plateformes. Et contrairement aux autres trucs, parce que moi, j'ai une Boxybox à la maison. Oui. Et normalement, je fais du streaming. Je vais sur une application sur mon iPhone, mettons TuneIn Radio, n'importe quoi. Puis là, je vais streamer en AirPlay sur ma Boxybox parce qu'elle est compatible. Ça draine la batterie du iPhone parce que c'est l'iPhone qui va chercher toute la musique. Oui. Mais le Sonos, ce qui est génial, c'est que tu vas dire au bridge, connecte-toi à tel serveur et c'est le bridge qui va chercher la musique. Ton iPhone, la batterie ne drainera pas. Donc, déjà là, en partant, ça sert juste comme une télécommande qui va prendre la batterie juste quand tu l'utilises. Après ça, c'est tout le bridge qui gère ça. Donc, à 219, incluant un bridge, jusqu'au 31 décembre, je crois, okay. ça vaut la peine parce que sinon, après, ça va vous coûter 219 plus 50-60 $ pour un bridge. Donc, c'est assez intéressant. La qualité du son est bonne? La qualité du son est excellente, même dans les Play One. Mettons, je vous dirais, un chef d'orchestre va peut-être vous dire qu'il manque un peu de middle ou peu importe, mais il y a des bonnes graves, des bons aigus. Il y a un égalisateur pour augmenter les graves ou les aigus, justement, à même l'iPhone, à même l'application, et que ça marche aussi sur Android. Et il y a une application compatible sur Windows Phone qui s'appelle Phonos, P-H-O-N-O-S, qui fonctionne aussi avec ça, mais je pense qu'elle coûte 3-4 $. Il y a quelqu'un qui l'a fait avant les gens de Sonos et qui en profite pendant ce temps-là. Mais c'est vraiment... Le seul petit bémol avec cette unité-là, c'est qu'il n'y a pas d'entrée stéréo pour une prise stéréo. Là, si on voudrait, mettons, prendre notre iPhone pour faire jouer notre directement musique dessus. Sans passer par le réseau Wi-Fi. Parce qu'on peut écouter, évidemment, la musique qu'il y a sur notre iPhone. Ça va passer par le Wi-Fi, par le bridge. Là. Mais il y aurait moyen de brancher, je ne sais pas, moi, un vieux lecteur CD. Ouais. Bon, toutes les unités Sonos l'ont, sauf le Play One. Okay. Peut-être pour réduire un peu le coût, là, réussir à le vendre 199 aux États-Unis. Là. Mais c'est à peu près la seule chose. Il y a une prise physique pour brancher un câble Ethernet si on ne veut pas passer par le Wi-Fi. Il y a même... Ce qui est probablement recommandé si vous êtes capable de le faire, si vous avez une prise réseau, le Wi-Fi, en fait, vous avez peut-être le même routeur depuis 4-5 ans. Puis il est probablement de moins en moins efficace parce que les voisins aussi ont un routeur, ou en fait ont de plus en plus de routeurs depuis 4-5 ans. Ou ont réussi à obtenir l'accès au vôtre. Oui, c'est ça. Nous ici, dans les bureaux, du 2.4, ça ne peut plus fonctionner. Il faut absolument passer par du 5 GHz. Il y a trop de routeurs. Il y a assez de réseaux aussi. On fait juste ouvrir la liste des réseaux. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir un réseau câblé, là, c'est mieux. Là. Mais enfin, Sonos, là, ce qui est génial aussi, vite, c'est qu'on peut accéder à un paquet de serveurs de musique. Comme moi, à la maison, là, nous, le samedi, en préparant le souper, là, c'est un poste des années 80. On écoute ce genre de musique-là. Ou sinon, moi, quand je suis tout seul, ça va être plus de la musique électronique, du techno, peu importe. Mm-hmm. Les enfants, ils peuvent écouter un autre poste. C'est super simple à utiliser. On peut enregistrer des favoris dans l'application. On peut se monter toute une bibliothèque. Est-ce que l'application... Moi, j'ai beaucoup de difficultés à lâcher iTunes. Est-ce que l'application est quand même... Tu peux lire tes playlists d'iTunes là-dedans. Ah, OK. Oui, c'est compatible. Écoute, il n'y a pas grand-chose que ça ne fait pas, là, le système Sonos. C'est compatible avec à peu près tout, là. Donc, même juste un Play One, ça peut valoir la peine, justement, mettons, dans une cuisine ou même une salle de bain, parce que celui-là, le Play One résiste à l'humidité. Évidemment, on ne le met pas dans la douche, là, mais dans une salle de bain, le produit est conçu pour pas que l'humidité ronge tous les matériaux. Là. Donc, on a bien compris la maison. On ne prend pas un bain avec un speaker. C'est l'électricité dedans. C'est ça. Parce que oui, on dit un haut-parleur sans fil, mais il faut quand même le brancher dans le mur. De l'électricité. Et il y a un autre appareil, en fait, que l'article nous propose, qui est un peu plus haut de gamme. C'est le V5 de la compagnie Ren, et qui, lui, se vend 399. Ça sonne très bien. C'est Bluetooth et AirPlay. Et en fait, le design fait que c'est très, très sobre et ça se cache très, très bien dans une bibliothèque ou des trucs comme ça. C'est un beau design, comme en bois aussi, un peu fini de bois. Exactement. Très moderne, mais en bois. donc, ça, c'est pas mal intéressant. Et ça fait le tour, en fait. Bien, il y a je voulais rajouter, moi, ça n'a pas rapport avec la domotique, mais je voulais rajouter, je suis tombé sur une application cette semaine qui s'appelle, j'essaie de la retrouver rapidement, c'est NetAdmin Pro. C'est une application qui n'est pas donnée, mais pour les gens qui font, je pense entre autres à M. Ducharme, qui est système admin, probablement qu'il y a quelque chose d'équivalent, par contre, mais c'est une application qui est vendue quand même 49,99 et qui sert à monitorer, en fait, des réseaux. Mm-hmm. Donc, tu rentres dans un environnement réseau et c'est capable de te faire une map d'à peu près tout ce qui se passe au point de vue réseau, Bluetooth, des trucs comme ça, le Wi-Fi, et ça te permet de déboguer, en fait. Si tu arrives en quelque part, tu fais « Pourquoi le Wi-Fi ne fonctionne pas ici? Mm-hmm. » Ça peut aider. Tu peux te faire des maps, tu peux exporter en PDF. Ça supporte le SNMP. En tout cas, ça fait un paquet d'affaires. Donc, pour les gens qui cherchaient un outil comme ça, ça peut être fort intéressant. Ça s'appelle NetAdmin Pro de la compagnie Aribada. Bon. Ah, petite parenthèse, excuse-moi, pour les produits Sonos, ce que j'ai oublié, c'est que tu peux te monter un système modulaire. Donc, si tu en as un, il se joue en mono, évidemment, mais si tu en branches deux, tu peux créer une paire stéréo. Oh. Si tu en branches 5 avec un sub, ça te montre un système 5.1. Mm. Tu peux aller jusqu'à 7.1 comme ça. Okay. Et tu peux les gérer par pièce aussi ou par paire ou peu importe. Donc, faire jouer de la musique dans une chambre, dans un salon, au sous-sol. Tout le contenu va être indépendant là, d'une pièce ou d'un groupe de haut-parleurs à l'autre. Mm. C'est vraiment intéressant. Bien. Excellent. Donc, dans deux petites secondes, on revient avec le LAMD. Les amateurs de Mac, bonsoir. Mac Québec, le podcast. Et voilà, pendant que tu es en train de en fait, nous manquer totalement de respect en jouant avec ton Nokia de Microsoft, c'est pas supposé fonctionner ici. Là. On a. Jambes de même ne passe pas inaperçu. Non, hein? Non, clairement pas. Tu avais le 5C aussi que tu as testé au niveau de la couleur. J'ai testé la couleur. T'as testé la couleur? Un beau petit iPhone 5C vert qui m'a été envoyé aussi avec un étui bleu. Donc, ça fait un beau contraste de couleur. Et c'est un super appareil. C'est comme. En fait. C'est comme un iPhone 5, là, dans le fond, mais qui est plus joli, si on veut. Puis, je pense qu'il est un petit peu moins cher que le 5S aussi. Hein? Ben, oui, il est un petit peu moins cher, mais il est pas en fait assez moins cher pour les gens qui s'attendaient à ce que ça devienne un téléphone cheap, là, entrée de gamme. Mm-hmm. Mais en fait, moi, quand les gens arrivent avec cette, ce truc-là, je leur demande, oui, OK, puis ton iPhone 5C, s'il l'avait vendu 350$, combien ton iPhone 5 aurait valu sur le marché de la revente? Mm-hmm. Puis il aurait perdu comme bien plus. Tu sais, ouais. Comme il n'y a personne qui va dire « Ah, moi, je veux un téléphone usagé sous raison qu'il est en métal et en verre plutôt que le back cover de plastique. » Ouais, je l'ai revendu plus que 600$, mon, ouais. iPhone 5, mon iPhone 5. Ah. Un coup, les frais de eBay enlevés, là, j'ai eu 520 là, quand même. Là, ah, bon, oui. C'est un super bon montant. Ben oui, mais hein. Excellent. Bon. Donc, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. C'est ce segment où on tente de répondre à vos questions. Et on va être honnête, en fait, depuis le changement à la plateforme YouTube, bon, des mm-hmm. questions, on en a de moins en moins. Et on pense que c'est à cause de la désynchronisation par rapport aux auditeurs. Avant, on était sur Spreecast et le chat était beaucoup plus on par avec... Ça accouche, comme on ça dit. Ça accouche avec... Je déteste cette expression, mais... Oui. avec... il y a toujours de l'ironie en arrière quand nous, on l'utilise. Oui, ouais, c'est ça. Qu'on n'est pas tatoué douchebag. on a moins de questions. On vous invite. En fait, faites pas vous gêner. On est là pour ça. C'est un service public qu'on offre. C'est gratuit et même que cette semaine, pour les gens qui vont nous poser des questions, on va faire tirer comme ça, nébuleusement. On va envoyer à un de vous un Blu-ray de Jobs et non un Blue Jobs de Rick. Faut faire attention, faut pas se tromper. Bon. Messieurs, moi, de mon côté, comme je ne pourrai pas répondre aux questions, je vais en profiter pour vous fausser compagnie. Pas de problème, ça fait un plaisir. Ben oui, merci beaucoup mm-hmm. de l'invitation. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes? Il y en a qui se plaisent à dire que je suis partout, là, mais c'est pas vraiment vrai. Mon blog, letechnophile.net, un peu négligé ces temps-ci, mais je suis beaucoup plus actif pour le podcast photo, objectifnumérique.com. Excellent. Le podcast qui est sur iTunes, évidemment. Sinon, on peut me lire sur le blog de Best Buy, sur ztélé.com et sur Canoë. Excellent. Donc, dans la section techno, évidemment. Parfait. Une guerre de tranchées peut-être qui se passe entre Branchez-vous et Canoë Techno en ce moment. On voit qu'il y a eu beaucoup plus de monde qui commence à écrire tranquillement sur ces deux blogs-là. Ah oui, OK. Ouais. Ça se peut. OK. C'est la compétition du oui. marché. Hein. Qu'est-ce que c'est? Excellent. Bon. Donc, merci encore une fois d'être venu, merci, Stéphane. Merci. Et on va commencer avec les questions. Vas-y avec la première question, Jean-Michel. Non, c'est toi. Tu t'es mieux. J'ai fermé mon micro. Alors, on a une question qui nous provient de Isaac Roy sur Mac Québec en Trend. Est-ce qu'il existe un logiciel qui permet d'obtenir une copie des messages textes qu'on a sur un iPhone, mais sur l'ordinateur? Donc, copier ces messages textes du iPhone vers l'ordinateur. C'est une question qui nous est souvent demandée. Ouais. Mm-hmm. En fait, si on utilise Message, c'est-à-dire que quand vous envoyez des messages, vous les envoyez à des gens qui sont dans l'écosystème Apple, ça passe par Message. Mm-hmm. Et à ce moment-là, si vous avez configuré Message pour qu'il se connecte à votre compte iCloud, vous allez en avoir une copie. Ça, c'est la base. Mais je ne pense pas que la question qu'il nous posait provenait de là, parce que c'est vraiment dit message texte, mm-hmm. donc des SMS. Il y a le logiciel iExplorer, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ce que je m'en allais... Qui permet de faire ça, donc de se connecter. Mais est-ce qu'on a accès au message texte, même si l'iPhone n'est pas jailbreaké? Oui, ça permet d'aller chercher tout ça. Ça permet d'aller chercher beaucoup d'autres informations aussi dans le téléphone, mm-hmm. Puis de l'utiliser un peu comme une clé USB d'ailleurs. Donc, ça donne vraiment accès à l'espace disque mm-hmm. du téléphone. C'est un logiciel qui n'est pas très cher et qu'on trouve souvent dans des bundles. Il y a une version d'essai aussi, je pense. Donc, si on en a besoin juste une fois, là, j'imagine que ça doit être un essai de 30 jours et puis... Voilà. Puis je pense qu'il y a un nombre minimum de trucs que tu peux ramener aussi. Mm-hmm. Mais ça s'appellerait iExplorer. Ça, c'est sur Apple, évidemment, sur un ordinateur Mac. Sur PC, on n'a pas vraiment de réponse je pense pas, cette question-là. Il y en a. Mm-hmm. Il y en a plusieurs même, mais on ne sait pas c'est quoi nécessairement les produits. Si l'iPhone est jailbreaké, il doit sûrement exister des moyens, là, des applications à télécharger directement là, sur l'iPhone aussi. Tout à fait. On vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions sous le hashtag PodMQ. On va prendre les questions et les gens qui vont nous en avoir posé, on va faire tirer un Blu-ray de Jobs avec Ashton Kutcher. C'est un beau cadeau. Je me retiendrai de donner mon opinion que j'ai déjà donnée il y a quelques mois de ça à la sortie du film, mais c'est pas un mauvais film. Je l'ai même pas vu encore. Non? OK. Je vais l'acheter. Mais c'est pas... c'était pas l'expérience cinématographique à aller voir en IMAX 3D. Là, sûrement pas. Voilà. Donc, tu t'en vas. Dun, dun, dun, dun. Salut, à la prochaine, Stéphane. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on poursuit avec une question d'Alain Tousignan sur Mac Québec Entraide. Je suis intéressé à m'acheter un MacBook Pro remis à neuf, mais ceux-ci sont livrés uniquement en anglais. J'aimerais savoir si on peut le mettre en français et si cela est difficile. C'est une bonne question. En fait, les systèmes d'exploitation à Apple, ou en fait les ordinateurs à Apple, sont multilingues. À l'achat de n'importe quel ordinateur Apple à travers la planète, vous pouvez le mettre dans la langue que vous voulez. Évidemment, en fait, il va vous donner les choix correspondants à l'endroit où est-ce que vous l'avez acheté. Donc, si vous l'achetez en France, ben il va vous donner le français de France, tout ça. Mais vous allez pouvoir... Il y a une petite case à cocher et il va vous donner tous les langages qui sont disponibles. La problématique ne vient pas du système d'exploitation qu'on peut changer de langue à la volée. Il vient en fait du clavier. C'est ça, c'est le principal inconvénient. Parce qu'il n'y aura pas... On sait que quand on commande un ordinateur en français sur le site d'Apple, ça vient avec un clavier canadien-français. C'est pas le même clavier. Donc, c'est un clavier qui est QWERTY. Qu'est-ce que ça veut dire, un clavier QWERTY? Ça veut dire que les 6 lettres en dessous des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, se lisent QWERTY, Q-W-E-R-T-Y, alors que le clavier utilisé dans le reste de la francophonie est un clavier AZERTY. Ce que ça veut dire, c'est que le Q et le Z, le Q et le A sont changés de place, le W et le Z sont changés de place, et il y a quelques autres lettres qui sont changées de place, et le comportement de la ligne des chiffres est contraire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire majuscule et le chiffre pour qu'il indique un chiffre, ce qui est assez fatigant. Puis aussi, sur le clavier canadien-français, il y a des caractères de la langue française. On pense au CCD, le A accent circonflexe, E accent circonflexe, E accent aigu. Exactement. Qui sont là sur le clavier, tandis que là, ben là j'en ai un là, devant moi. J'ai le clavier canadien-français sur mon ordinateur, puis j'ai le clavier anglais standard là, ici pour contrôler l'ordinateur de diffusion. Puis on voit, il n'y a pas ces lettres-là. Puis pour certaines personnes, ça peut être dur de faire... C'est-à-dire... Ils sont là, les lettres, mais ils sont simplement pas visibles. Ils ne sont pas représentés, pas représentés sur le clavier. Si je regarde le E accent aigu sur mon clavier d'ordinateur portable, la touche qui correspond, il y a un point d'interrogation puis il y a une barre oblique. C'est ça. Donc, si c'est en français Canada, il va faire le E accent aigu, puis là, il va falloir que tu cherches. La barre oblique va être sur la touche à côté du 1, qui, moi, sur le clavier anglais, là, c'est l'apostrophe. Là, qui... Exactement. Ton point d'interrogation en français, et si tu fais majuscule C, ça fait un point d'interrogation. Donc, c'est le désagrément que tu vas avoir. Si je ne me trompe pas, si tu téléphones à Apple, tu es capable de faire une demande comme quoi tu voudrais que l'ordinateur te soit envoyé en français et ça ne marche pas tout le temps. Petit truc. Ils mettent une note. Là, puis... C'est ça. Si ça arrive que vous commandez, vous les appelez, vous commandez en français, on vous dit c'est bon, on va faire le changement de clavier et vous recevez quand même quelque chose en anglais. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous appelez à Apple et là, vous négociez soit de renvoyer l'ordinateur pour vraiment avoir une version française, ou vous dites, écoutez, j'ai pas envie, il faut que je commence à travailler avec l'ordinateur, envoyez-moi donc un anane. Moi, dans le temps, j'avais demandé une batterie de surplus, mais ça peut être un Apple TV, ça peut être... On essaie d'avoir un petit nanane. Ça a déjà marché, je vous promets pas que ça va marcher encore, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On sera pas des amis chez Apple avec ça. surtout pas si tout le monde se met à essayer là, de... Effectivement. Mais appelez pas en souhaitant recevoir un mauvais clavier, là, puis en étant là, sûr à 100% de recevoir un Apple TV pour... Effectivement. Compenser votre perte de temps, là, finalement. Voilà. On a une question de... Je pense que c'est une question qui provient de Twitter. Donc, s'il n'y a personne d'autre qui nous pose de questions, c'est Sébastien Dupont qui va se mériter le film. Mm-hmm. Donc, sa question, en fait, je te laisse la lire. Est-ce qu'il est vrai de dire que j'ai la même expérience iPad Air LTE si j'utilise en tout temps mon iPad Air Wi-Fi, tout le temps jumelé avec mon iPhone pour utiliser la connexion Internet? Est-ce que c'est la même expérience? Un coup que l'iPhone est jumelé, oui. Vous allez avoir accès à Internet comme l'iPad Air vous donnerait, l'iPad Air LTE vous donnerait accès, mais c'est cette étape-là de jumeler qu'il va falloir faire. Donc, à chaque fois que l'iPad va tomber en veille, quand il va être éteint pendant plus que quelques minutes, la connexion va se défaire et il va falloir la refaire manuellement à chaque fois, tandis que sur l'iPad Air LTE... Il est toujours connecté. C'est toujours connecté au réseau cellulaire. Là. Vous allez trouver ça long à la longue. Vous allez trouver ça fatigant de toujours devoir refaire la connexion, même si vous avez juste remis votre iPad Air dans votre sac pour quelques minutes, le temps de sortir de l'autobus puis d'arriver au bureau. Bien là, vous allez devoir refaire la connexion. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. La même chose si je connecte mon iPhone à mon ordinateur, là, par exemple. Une autre des différences, c'est que l'iPad LTE va être muni d'une puce GPS. Exactement. Alors que l'iPad Air standard n'en a pas. Mm-hmm. Donc, on peut être un petit peu moins précis au niveau des recherches qu'on ferait sur une carte ou dans une application GPS. C'est sûr que si vous avez déjà un iPhone d'une dernière génération qui se connecte sur le LTE, bien, le 130$ supplémentaire avec le forfait supplémentaire n'est pas vraiment nécessaire, là, à moins que d'un côté, on buste tout le temps la bande passante sur son téléphone. Exactement. À ce moment-là, sur l'iPad, on va vouloir se rajouter un autre morceau de bande passante. Et les forfaits sont peut-être un petit peu plus intéressants, je trouve, sur tablette, parce qu'on prend un forfait minimum. Mm-hmm. C'est un forfait qu'on appelle Flex et qui monte en fonction de vos besoins. Donc, si vous avez besoin de 500 MB seulement un mois, vous allez payer, 15$. Si vous avez besoin de 50 MB, ça part à 5$ et ça va monter à un montant maximum pour aller jusqu'à 5 gigs, puis après ça, ben il vous charge deux bras puis un rein. Mais il n'y a pas de contrat là, non plus sur les forfaits LTE. Exactement. Là, pour si un mois on a besoin, on le prend. Si l'autre mois on n'a pas besoin, on communique avec le fournisseur là, puis on le prend pas. Il y a Rogers qui offrait avec l'iPad original l'option de le prendre à même l'appareil. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, si ça existe encore. Non, ça ne se fait plus. Il faut vraiment le faire de façon normale. Il faut qu'on contacte Rogers. C'est sûr qu'un appareil comme le iPhone, qui est plus petit, l'antenne LTE n'est pas du même calibre que ce qu'on peut mettre dans un appareil plus grand. Bizarrement, ce que j'ai entendu à date, c'est que le LTE sur un iPad mini Retina, en fait, c'est l'expérience de René Ritchie de iMore. Il topait des vitesses qui étaient plus rapides sur le iPad mini Retina que sur le iPad Air. Fait que peut-être que ça peut avoir un lien. L'autre chose aussi, c'est que le téléphone, s'il n'est pas branché, sa batterie va durer une journée, alors que les optimisations électriques qui ont été faites sur le iPad Air et iPad mini font que si l'appareil est fermé mais qu'il sert de point d'accès, on a vu des gens toffer jusqu'à 24 heures de batterie pour ça. Si on ne l'utilise pas pour rien d'autre. Exactement. Gros, l'expérience est similaire, mais le iPad Air donne vraiment... C'est beaucoup plus simple à utiliser, surtout si on prévoit utiliser la connexion cellulaire souvent. Voilà. On va laisser en fait les questions ouvertes encore quelques secondes si les gens veulent nous en poser sur Twitter, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui est inscrite au concours. Mm-hmm. Cette semaine, je suivais un ami sur Twitter, Jordan Raymond, pour ne pas le nommer, et il a posté un petit truc. En fait, nous, on prend beaucoup, beaucoup d'articles d'Internet, on fait des copies, on les ramène souvent dans des éditeurs de texte, des trucs comme ça, et on se retrouve à faire un collé avec le style de ce qu'on a sélectionné. Donc, la fonte ne correspond pas, tout ça. Des fois, ça fuck la mise en page. Et à ce moment-là, en fait, il m'a donné un petit truc que je trouve fort intéressant. C'est la possibilité d'aller dans les réglages, sous système préférence, les réglages du clavier souris. Mm-hmm. Et il y a une section qui nous permet de un peu jouer avec les raccourcis. Et à ce moment-là, on pourrait remplacer le raccourci pomme V, qui historiquement est paste, par la fonction qui s'appellerait Paste and Match Style, qu'on trouve dans le menu édition de la plupart des trucs, et qui, lui, est fait par le raccourci pomme majuscule option V. Donc, pour pas se casser le basic, pour se simplifier la vie, on pourrait simplement, en fait, aller là et dire, maintenant, le contrôle, le pomme V que je fais, c'est copy, en fait, paste and match style, ce qui veut dire que sur la ligne où est-ce que vous allez copier votre truc, ben, il va prendre le style, la police de caractère, la grandeur de case de la police, de la ligne ou du document que vous êtes en train de travailler. Donc, dépendamment de ce qu'on fait, là, ça peut être intéressant. Exactement. C'est quelque chose de très, très simple à mettre en place. Puis je trouvais que c'est un petit truc intelligent puis le fun à donner à nos éditeurs. Mm-hmm. On a Jean-François Roy qu'on connaît. On le connaît là, un peu. En tout cas, on ne sait pas d'où c'est qu'il vient. C'est juste marqué Jean-François Roy dans le document. Exactement. Puis je pense qu'il est dans le document actuellement. Ouais. Fait que au fur et à mesure qu'on va parler, il va probablement nous rajouter des insultes à notre truc. Donc, on nous demande pourquoi sur Windows il y a plusieurs mises à jour à faire. Et il va d'un billet éditorial, c'est crissement long. Existe-t-il un moyen d'y remédier? En fait, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui utilisent Windows dans différentes situations sur plusieurs machines avec des périphériques qui sortent, tu sais, jour après jour, il y a des nouveaux périphériques. Donc, il y a des nouveaux bugs qui peuvent être rencontrés. Beaucoup de périphériques hautement comme spécialisés là, dans les entreprises. Exactement. Donc, à ce moment-là, en fait, Windows doit recevoir beaucoup plus de rapports de bugs que Apple, par exemple. Mm-hmm. Et depuis quelques années, en fait, ils font des mises à jour mensuelles de leur système, soit pour augmenter la sécurité. Puis ce qui se passe, c'est que quand on fait une installation de Windows, ben on a un Windows qui est sur CD. Donc, il a été arrêté dans le temps, si on veut. Puis, il a peut-être été fait quelques mois. Le CD, en fait, a quelques mois de retard. Et il peut pas être mis à jour. Donc, à ce moment-là, ben on est obligé de faire toutes les mises à jour qui sont faites du temps où est-ce que le CD a été fait jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est très, très long. Mm-hmm. Le temps qu'on nous donne n'est jamais le vrai temps. Le téléchargement, c'est long. Là, ouais. C'est dur quand j'installe... J'ose pas imaginer qu'est-ce que c'est, ce téléchargement-là, si tout le monde mettrait à jour en même temps lors d'un lancement, comme quand on pense quand OS X 10.9 est sorti, c'était beaucoup plus long là, sur l'App Store là, que c'est habituellement. Voilà, donc... On salue Jean-François qui ne devait pas penser qu'on donnerait une réponse aussi sérieuse à sa question. Ouais, c'est probablement un peu... c'est un peu pour nous narguer. Jean-François qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, il y avait une urgence à la job. Rassurez-vous, il sera de retour dès le prochain épisode. À moins qu'il y ait une autre urgence, mais sa place est toujours là. Je pense qu'on s'en va, en fait, à la fin du podcast. Juste avant, on vous fait une petite publicité. Mac-Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac-Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @Mac-Québec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Mac-Québec, le podcast. Rebienvenue en studio. Je suis déconcentré un petit peu. Il y a justement Jean-François qui essaie de nous écrire quelque chose dans le document de show. On va rappeler les commanditaires, en fait, les gens qu'on aimerait remercier qui nous donnent un bon coup de main chez Mac-Québec. Donc, d'abord, ClickPom, que vous pouvez trouver au clickpom.com et qui, depuis quelques mois, offre, si vous avez besoin de services, vous pouvez passer par Mac-Québec et il y a une petite ristourne là, qui va à Mac-Québec, donc c'est intéressant. Puis, Il y a beaucoup de gens qui communiquent avec nous, puis on est obligé de rajouter en fait des espèces de systèmes de filtration, de filtres, c'est-à-dire les gens nous écrivaient leurs questions directement. Et le service est un service de dernière ligne, c'est-à-dire si vous êtes prêt à engager quelqu'un, ClickPom et Apple Consultant Network, donc fait partie du réseau des consultants Apple, et c'est facturé, là, puis c'est pas 20 piastres de l'heure. C'est pas... on contacte pas ClickPom pour demander ben, comment je peux transférer les photos de mon iPhone vers mon ordinateur. C'est vraiment si vous avez besoin d'une assistance. Si vous voulez avoir quelqu'un qui va venir à la maison, qui va prendre le contrôle de l'ordinateur à distance, à ce moment-là, c'est possible de le faire. Mais avant ça, vous avez un paquet de ressources sur la communauté Mac Québec. Vous avez les deux forums qui sont là. Vous avez les pages Facebook. Vous avez le compte Twitter. Mac Québec Entraide, le forum, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez aller voir avant d'avoir affaire à un service professionnel. Et je vous le dis parce qu'on ne veut pas vous faire perdre votre temps et on ne veut pas, nous non plus, perdre le nôtre, évidemment. Vous êtes trois, là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et on a pas mal de clients qu'on dessert. On est capable d'en desservir d'autres, ça, sans aucun problème. Mais il faut que ce soit pour des trucs qui en vaillent la peine, autant pour vous que pour nous. Sinon, les gens de iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels, que vous pouvez trouver au iRepairMontréal.com ou physiquement au 1184 Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. Il y a une petite limitation à la porte d'entrée. La porte, c'est comme des bureaux, c'est barré, mais c'est bien indiqué, vous signalez le 101 et ils vont ouvrir la porte à distance. Et ben maintenant, en fait, comme j'ai dit en début d'émission, on est allé les voir et ils nous ont montré en fait l'équipement que maintenant ils ont, c'est-à-dire le bain sonique pour peut-être s'occuper des appareils que vous auriez immergés. Et ils ont aussi un microscope avec tout ce qu'il faut pour faire de la soudure et peut-être éventuellement sauver votre carte maîtresse. C'est sûr qu'on ne le fait pas sur un ordinateur qui est sous garantie à Apple. On va aller voir Apple. Mais si c'est un appareil que vous avez payé à grands frais, on vous dit que c'est la carte maîtresse ou quelque chose comme ça, puis qu'on vous dit que c'est 700 $ ça vaut la peine d'au moins aller les voir pour leur demander un diagnostic. Ils vont vous expliquer comment ça se passe. C'est le fun d'avoir une compagnie locale qui offre ce service-là parce qu'il y a beaucoup de compagnies sur Internet qui l'offrent. On envoie l'ordinateur comme par UPS, puis là, ils essayent de le réparer. Mais c'est comme toujours plus rassurant de savoir que l'ordinateur, bon, il est là à Montréal, c'est toi qui as été le porté. Exactement. Tu sais ce qu'ils vont faire là-dessus. Voilà. Sinon, Coop UQAM, la boutique informatique que vous pouvez passer visiter aux 279 Sainte-Catherine-Est. Eux aussi sont réparateurs officiels de produits Apple. C'est une petite nuance qu'il faut apporter entre les deux commerces, c'est-à-dire qu'ils peuvent commander des pièces officielles Apple. Ils peuvent vous offrir le même service que Apple offre au Genius Bar. Là, exactement, au Apple Store. ReptileTech, qui fait encore sa campagne de financement pour ramasser 5000 $ pour Centraide. Donc, vous pouvez les trouver au reptiletech.com. Et un petit like, en fait, sur la page de Centraide, ça ne vous coûte rien et eux, ça les aide à faire passer leur message et à ramasser un peu de sous pour les gens en difficulté pendant la période des fêtes. L'INIS, qui est le nouveau commanditaire de la coop, de Mac Québec, pardon, je commence à être un petit peu fatigué, 10h57. Donc, vous pouvez les trouver sur inis.qc.ca. C'est l'Institut national de l'image et du son. Ils sont physiquement disponibles au 301 boulevard Maisonneuve-Est, tout juste à côté de la Cinémathèque québécoise. Et ils ont un paquet de formations intéressantes pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'audio, dans le domaine de la vidéo, mais qui s'intéressent aussi aux produits Apple, des formations pour les terminales, pour utiliser terminales, c'est-à-dire les lignes de commande, pour le MDM, le Mobile Device Management, des cours sur Final Cut et sur un paquet d'autres logiciels. Donc, on vous invite à aller les visiter. Et évidemment, tous ces commanditaires-là sont super intéressés à savoir si ce qu'on vous, quand on vous parle d'eux, ça rentre dans une oreille, ça ne sort pas nécessairement par l'autre. Donc, vous pouvez leur mentionner que c'est Mac Québec qui vous envoie. On remercie aussi l'EP pour les indicatifs audio. Je trouve ça pas mal intéressant. On a une bonne panoplie, puis ça fait une bonne cassure. Ça nous garde dans le beat, donc on remercie beaucoup l'EP. Et Telestream pour le logiciel Wirecast, qu'on utilise pour la diffusion. Aujourd'hui, on a eu des petits problèmes, on est resté à une caméra, mais habituellement, quand on a notre télésino Jason dénommé, on va avoir, je pense qu'on va être rendu à 4 caméras au prochain podcast. Donc, voilà. Et on utilise Wirecast pour envoyer ça sur YouTube. Donc, vous pouvez avoir plus de détails au telestream.net. Sinon, on remercie Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour l'entrevue sur la caméra des plus récents iPhones. Vous pouvez le retrouver sur www.objectifnumérique.com, le technophile.net, le blog de Best Buy, de Canoë Techno, de ZTélé, ou sur Twitter avec le compte ON au numérique, pour Objectif numérique pour le podcast, et le Technophile. Le prochain rendez-vous du podcast, ça va être quand? Ça serait le 18 décembre, une dernière fois avant Noël, parce qu'après ça, on tombe entre Noël puis jour de l'an. C'est pas mal difficile de se libérer à cette période-là. Tout à fait. Donc, le 18 décembre, à compter de 20h, on devrait vous le faire penser là, sur MacQuébec, ce qui n'a pas été fait là, cette fois-ci. Là, mais on va vous faire un rappel, là, c'est sûr et certain. Et on vous invite le 21 à écouter le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Il va y avoir plein de surprises. Ça va être vraiment une ambiance festive. Et si, comme certaines personnes, vous détestez Noël, eh bien, ça va vous réconcilier, non pas avec la fête, mais avec l'esprit un petit peu de Noël. Donc, un podcast très, très geek pour finir l'année le 21 décembre. Sinon, mon ami, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes? On peut me retrouver sur Twitter au JM souligné Boily. Excellent. Jean-François Roy n'était pas avec nous ce soir, mais vous pouvez le retrouver au JF Roy 1979. Il s'ennuie, il est un peu déprimé, il y a beaucoup moins de questions qu'avant et son clout est descendu à 63, alors que le mien est à 65. Puis vous pouvez évidemment me suivre au Alex Cornelier sur Twitter. Vous pouvez aussi suivre ClickPom au CLICKPOM. Sur Twitter et sur les différents canaux de Mac Québec. Sinon, on vous dit au 18 décembre. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. MacQuébec.com. Hey!